C'est fou ça. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Jean-Samuel Guy sera là pour nous parler de voitures dans son segment PRNDS. Alessandra Carignan nous renseignera sur tout ce qui est artistique dans son bloc Le temps d'une culture. Et on jaserait de sujets osés dans la chronique pour un public averti Kinky Sexy Time. Assemblage requis commence tout de suite. Avant, t'attendais au jeudi matin pour sortir la bouffe à l'écran sur ton ordinateur, mais là, vu que t'allais juste les lundis mardi, tu t'es dit mardi dès 7h30. Ben pour moi, c'est mon jeudi. J'ouvre le fureteur, je regarde les poutines. Comme ça. Mais en fait, bonjour, bon matin Mathieu Plante. Hey, bon matin, Jean-Philippe Chavallot. Bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 28 janvier 2014, toi. Ben oui, mais écoute, ce qui est arrivé, c'est que lundi 23 janvier 2014. T'as-tu dit 24? 27. On était hier 2014 hier aussi, excuse-moi. 27 janvier 2014, en me couchant. Bon, tu sais, j'aime bien en me couchant, je regarde un peu l'actualité Facebook, tu sais, ça me relaxe, je regarde un peu la presse. Puis là, bon, je flirte. Je pourrais flirter avec toi. Je ferais n'importe quoi. On chante souvent les matins, hein? Je sais pas, hein? Pas c'est le fun. Mais c'est ça, c'est le fun. Et puis, écoute, bang, je tombe sur un blog qui nous annonce une semaine de la poutine à Montréal. Non. Je te jure. Mais quelle sorte de poutine, là? Mais en fait, c'est que si je comprends bien le principe, parce que je me suis plus attardé aux images. J'imagine la galerie photo est là. Hein. Oui, ça se passe la première semaine de février. C'est 30 restaurants qui ont... écoute, je sais pas si c'est des invitations qu'ils ont reçues, si c'est les restaurants eux-mêmes qui disaient « Moi, je veux participer. » Donc, qui soumettent une poutine à 10$. Et puis qui va être offerte, ben c'est ça, pendant la semaine au complet. Je pense qu'à la fin, il y a un concours de la meilleure poutine. Ils soumettent une poutine, donc tu go on the farm and you put in your poutine. You put in. Tu l'inscris. Ben oui. You put it in. Ben écoute, si je faisais un formulaire d'inscription pour un concours de poutine, je ferais ça. Ben oui. Puis je mettrais entre parenthèses, écrire ici. Et si vous la comprenez, cochez oui. Oui. C'est des points bonus. Des points bonus. Ouais. Et puis écoute, toutes sortes de poutines. Ça passe de la classique. Hein? Plate, donc? Ben normal. Ouais. Ça dépend. Des fois, tu files... smooth. Des fois, tu fais le margarine. Juste, oui, c'est ça. Ça va en standard. Ouais. Exactement. Puis ça va à la poutine déjeuner avec un œuf dessus, avec de la guacamole, salsa, name it. Hein? Name it. Du porc effiloché dessus. Oh. T'es en train d'effilocher du porc avec tes mains, c'est que tu faisais le mime. Ben, en fait, je tenais deux fourchettes. À cranium, je sais pas si c'était elle d'avoir. Ben, je pense qu'on serait pas pire. Et ouais. puis ça va avec vraiment c'est ça, poutine fancy, là, avec du cheddar vieilli 5 ans, de la petite laitue sous le dessus. Blah! Du verre dans une poutine. Donc voilà, allez voir ça sur montrealblog.com. Montréal Poutine Week 2014. Featuring Yo. Yo. Ouais. ça ouvre l'appétit en ce mardi matin. Donc bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, parmi notre grand plan, on va voir Alexandra Carignan à 8h, 15 horaires spéciales. On la devance un petit peu parce qu'elle a une réunion. Donc on va la voir tout à l'heure à 8h. Ensuite de ça, on va faire les chroniques maison. King Sexy Time, comme toujours le mardi matin. C'est un fait. Édition spéciale de C'est un fait. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelques petits faits par rapport sur des films des années 90. On reste dans le thème du carnaval la semaine passée. Je pense qu'on décroche pas. On décroche jamais. Et son foutu palmarès, on devrait avoir le temps pour faire tout ça. Mais on va débuter dans quelques instants avec Jean-Samuel Gay qui va nous parler de voitures dans sa chronique PRNDS. Cool. Mais avant ça, en musique pour bien commencer ça. Oui. Je trouve que tes yeux, ils ont de la croûte. Donc je te dédie Monogrenade. Et tes yeux. Eh ben, OK. Poutine sèche. Une poutine au croque Dieu. Oh. Chacun fait la propre... Je C'était Tes yeux de Monogrenade à Assemblage requis. Il est quoi à 7h39? Et on accueille Jean-Philippe, notre ami Jean-Samuel. En effet, Mathieu. C'est ton collègue de demi-prénom? Ton demi-homonyme? Oui. Si on veut. Donc, Jean-Samuel et sa chronique PRNDS. On lui parle à chaque mardi matin. Bonjour à toi. Bon matin, bon matin. Ça va? Ben oui. Petit café à matin, ça fait du bien. Place les idées. Loin de tout appareil, évidemment, le café, évidemment. Bien sûr, on essaye. La semaine passée, il y a eu un petit dégât. Non. Parce que moi, quand je parle, je gesticule beaucoup. C'est un vrai Italien. Hein? Oui, ben ça prend ça. D'ailleurs, l'Italie, le pays de la Lamborghini, des Ferrari et aussi des petites voitures intéressantes qui commencent à arriver sur le marché. On a les véhicules Alfa Romeo qui viennent de faire une entrée, une percée en Amérique du Nord avec l'Alfa Romeo 4C. 500 exemplaires, blanche. Ah. La meilleure couleur pour le Québec. Ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Je la voudrais rouge. Non, c'est blanc, c'est tout. T'as la peinture, mais... Ouais, tu te débrouilleras avec ça. C'est ça. Mais une voiture qui n'est pas italienne et qui te fait rêver, non, peut-être pas non plus, c'est la nouvelle Ford Fiesta. Absolument, la Fiesta qui va fêter ses 40 ans d'existence cette année. Le premier modèle est arrivé en 1974 et vous pouvez imaginer que ça ressemblait pas vraiment à ce qu'on a aujourd'hui sur nos routes. Non, sûrement pas. C'est plus carré, il y avait plus d'acier, plus de tôle, il y avait plus de chances de mourir si tu faisais un accident avec. En fait, tu risquais de mourir si tu faisais un accident avec. La nouvelle Ford Fiesta qui en est à sa 6e génération, qui a une belle bouille. Je la trouve sympathique. Elle est jolie à regarder. Surtout que le designer d'Aston Martin est rendu le crayon et la plume derrière le design de ses voitures. Donc, on peut voir dans la calandre quelques petites lignes qui s'empruntent au Aston Martin, mais on peut... Tu sais, quand on la voit arriver, on dit pas... C'est James Bond qui a son nom. C'est vraiment un Aston Martin qui s'en vient. Ah, excuse-moi, je me suis trompé. C'est une Ford Fiesta. C'est quasiment identique. Le look d'une voiture sous compact en partant, ça fait un peu féminin. Puis ça, on pourra jamais enlever ça à ces voitures-là. Puis t'as beau être un gros barbu avec des tatous, tu vas avoir l'air de péter des scènes si jamais tu sors d'une voiture sous compact comme ça. Comme Mario qui est un Italien. Puis on a appris que c'était pas italien, la Ford Fiesta. Mais exactement. Voilà. T'as la scène, c'est ça. Oui, qui pète des... Oui, voilà. Un bloc, ouais. Puis c'est un peu la réputation qui vient avec ces petites voitures qui, au départ, c'est fait... Tu sais, vu que c'est petit, ça coûte moins cher, donc c'est fait pour économiser de l'argent. Malheureusement, les voitures de base, d'entrée de gamme, de ces catégories-là, viennent tellement dégarnies que ça devient pas intéressant de les acheter. Puis des alentours de 12, 13, 14 000 $ la voiture vient tellement sans option que c'est... Mais c'est bizarre parce que c'est nommé en hommage au fameux chip mélange Fiesta qui vient avec Ringolo, Doritos, puis t'as des rondelles de oui, mais des bretzels. Là-dedans, t'en veux juste un. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est les Ringolos d'habitude. C'est les Ringolos, ouais. Ça vient avec tellement peu d'options que finalement, ça devient inintéressant d'acheter ces voitures-là. Et c'est ce que j'ai remarqué en conduisant la Fiesta, c'est que finalement... La voiture que je conduisais venait avec tellement d'équipement et était tellement chère que j'étais trop près du prix d'une Focus pour que ça soit intéressant d'acheter une Fiesta. Et la Focus, en plus, va offrir plus d'espace, une conduite plus intéressante, des options à un meilleur prix. Donc, c'est pas mon essai préféré de voiture, mais quand même, je trouve que dans la catégorie des compacts, c'est pas ce qui se fait de pire. Okay. Il y a pire comme voiture. Il y a pire. Mais moi, tu vois, tant qu'elle l'appelait la Fiesta, moi, je la ferais venir avec des maracas. Hein. Ben, au moins. Au moins, après le volant, tu pourrais comme conduire, tu aurais des... Comme une Fiesta! Olé! Fiesta! Ça vient avec un distributeur de guacamole. Guacamole, c'est ça. Parlant de ça, les gens qui mettent un caoutchouc autour de leur volant, ouais. Hein, ne fait pas faire. Non. Non, pas tant. Premièrement, c'est dangereux parce que il est pas collé au volant, donc il y a tout le temps une espèce de... Exactement, il va tourner. Dans le beurre. Oui, puis ça, c'est pas pratique. Admettons que tu essaies d'éviter quelque chose. Une déneigeuse dans le milieu de la rue, tu risques de t'enfoncer dedans. Ils fabriquent aussi des gants en caoutchouc à la place. Ils vont tenir après tes mains à la place de prendre ton volant avec un caoutchouc autour, mais tes gants. C'est pourquoi ils mettaient des petits gants de course à l'époque, des petits gants en cuir. Non? Parce que c'était pas power steering, donc il fallait vraiment forcer plus. Tu te trouvais avec des cloches d'eau sur le bout des mains et quand. tu caressais ta conjointe le soir sur son lit de pétales de rose. Elle sentait les cloches d'eau passer, puis c'était moins romantique. Là, il pétait dans son dos. C'est comme un jeu. Ouais. Ce qui est intéressant avec la Fiesta et que j'ai aimé, c'est que ça vient avec deux styles de carrosserie, donc à haillons, qu'on dit 5 pas. Quand on dit 5 portes, c'est quand c'est un haillon à l'arrière. Donc, la c'est famille pas une... s'ouvre par en haut, non? Exactement, c'est une vitre. C'est une cinquième portière qu'on appelle. Mais personne ne va emprunter ça pour embarquer à l'intérieur, bien sûr. Et ça vient aussi en version 4 portes, donc avec une valise. Qui, la valise, dans le format avec la valise, ça va offrir autant d'espace intérieur que la Ford Focus. Fait que ça, je trouvais ça bien. Ça offre quand même une bonne espace, puis c'est un bon compromis. Il y a aussi trois choix de moteurs, dont un nouveau moteur 3 cylindres de 1 litre qui vient d'arriver, qui a autant de puissance que le moteur de base. Puis on a une autre motorisation dans la version ST qui rend la voiture vraiment, vraiment sympathique. Ça fait une petite bombe sur la route, mais encore là, ça se détaille un peu cher. On est des alentours de 25-26 000 $. Puis pour avoir une voiture qui est sympathique à conduire, je suis pas sûr que c'était ma priorité. Je sais pas si vous avez vu les vidéos de Ken Block qui se promène en Fiesta dans les rues de San Francisco. Il appelle ça les Gymkhana, donc il prend une Ford Fiesta et la monte au bouchon avec un moteur qui est vraiment performant. On parle de plus de 600 chevaux, on passe d'un rouage traction à un rouage traction intégrale et ça devient vraiment une voiture de rallye avec laquelle il s'amuse à faire quelques prouesses qui sont très belles à regarder, qui sont très bien filmées. Surtout qu'il est commandité GoPro, donc on a... Oui, on est bien grillé lorsqu'on parle de GoPro. On cherche quoi, ça? C'est Jim... comment t'appelles ça? C'est un Gymkhana, donc G-Y-M-K-H-A-N-A. Gymkhana. Si vous allez sur YouTube, vous avez juste à taper Jim. Ça va être dans les premiers? Non, ça va être dans les derniers. Après Jim Belushi. Jim avec un K ensuite, pour être sûr. Résultat sur la Ford Fiesta, si vous voulez un véhicule sous-compact et vous voulez vraiment sauver de l'argent, priorisez peut-être le Honda Fit qui offre plus d'espace, une conduite plus intéressante et qui sera revu pour 2015 et que j'ai trouvé mieux selon les différents critères que j'avais de prix et de choix. Mais là, on arrive en février et 2015 vont sortir bientôt. Ils sont tellement à l'avance là-dessus. Oui, absolument. Ouais. Ça s'en vient, 2015, pour vrai? Oui, ça commence dès le printemps et dès l'été. Donc, effectivement, puis... D'ailleurs, quand j'étais au Salon de l'Auto de Montréal, dimanche, j'ai pu remarquer l'arrivée de la nouvelle Golf 2015. Ford! Oh! La nouvelle Golf. Je pensais que t'allais dire Ford. Oui, moi aussi. J'ai vraiment eu peur. C'est comme... Ça aurait bien fité, ça aurait été la Ford Golf, par contre. La Ford, oui. Ouais. La Golf, qui est la voiture mondiale de l'année 2013. Donc, voiture hyper intéressante. Puis là, il y a beaucoup de gens qui parlent de la fiabilité des Volkswagen. Puis on sait qu'ils ont eu des petits pépins à certaines années au niveau des troubles électriques. Puis en même temps, c'est pas toutes les voitures qui sont assemblées en Allemagne, puisque c'est des voitures allemandes. Il y a quelques voitures, dont la Jetta et la Beetle, qui sont assemblées au Mexique. Donc, t'es un Mexicain, des fois, t'es d'or à midi, hein? T'es sur le bord. On n'endosse pas ses propos, évidemment, mais merci. J'endosse pas, mais quand j'avais ma Vaux. T'es l'assemblage. Des petits troubles électriques, on tombe avec deux fils, puis là, on est rendu qu'on allume le turbo quand on essaie de mettre les phares. Donc, qu'importe. Mais le taux de satisfaction, le taux de perfectionnement des voitures et de l'assemblage au Mexique est plus élevé qu'en Allemagne. Okay. Donc, il demande un seuil de perfectionnement de 98% et en Allemagne, 95%. Oh. Donc, c'est quand même plus sévère au Mexique. Mais encore, là, ce qui est sévère au Mexique, c'est pas aussi sévère que ce que c'est en Allemagne, n'est-ce pas? Et on coupe son montant? Oui, non mais c'est vrai, par exemple, parce que nous, on a eu des Vaux. On l'a vu la semaine passée chez mes parents, dans le temps que j'habitais là. Et puis, on a eu une Vaux assemblée au Mexique. Le paquet de problèmes qu'on a eu. C'est les Golf City puis les Jetta City. C'était incroyable. On conduisait à un moment donné, puis les vitres sont tombées. C'est une surprise. Les deux vitres. Comme ça. Puis il n'y avait plus rien à faire. Là. Toutes les composantes de la vitre étaient genre juste mal assemblées. Voilà. Aïe. Malheureusement, mais c'est passé ces années-là. Donc, tout ça pour dire on que a fait ces un années-là, deuil là-dessus. Exactement, on a tourné la page, on est passé à une autre étape. Et depuis 2005, les voitures Volkswagen sont, selon moi, très fiables et tellement plaisantes à conduire. Je vous en ai parlé la semaine dernière avec mon essai de la Jetta avec le nouveau moteur. Et d'ailleurs, c'est ce nouveau moteur-là qu'on va trouver dans la Golf 2015 qui arrivera dès mi-2014. Donc cet été, le modèle sera disponible et est très attendu de la plupart des amateurs de voitures, mais aussi des gens qui souhaitent avoir un véhicule sympathique, à bon prix et plaisant à conduire. On leur donne notre Volkswagen. Notre vote. Aussi, la Mustang 2015 qui a vraiment attiré beaucoup l'attention. Voiture très, très belle que j'ai très hâte de conduire. D'ailleurs, mon essai de l'année 2012 était la Mustang Boss 302 qui a ravi mon cœur. J'ai encore des frissons à en parler. Quel véhicule extraordinaire. Le son d'un moteur V8 qui vient pousser dans le bas, c'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai essayé une Chrysler 300 SRT8 aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un véhicule 4 passagers avec 4 portes. Et tu peux voir dans le tableau de bord la force G. Oui, la force G. Comme un avion, genre. Exactement. Fait que tu vois directement en temps réel la force G du véhicule lorsque tu accélères. Fait que, tu sais, mettons que tu as des enfants à l'arrière, tu sais à quel point leur cage thoracique est écrasée à ce moment-là. Fait que c'est génial. Tu sais jusqu'à quel point tu peux aller avant qu'ils se mettent à saigner du nez. Donc, c'est pratique. Tu peux te faire un barème pour d'autres activités, notamment quand tu vas à la ronde. Donc, ça, tu t'informes de la force G. Ça fait tout le temps, tu sais, ça fait tout le temps professionnel. Ben oui. Quelle est la force G de ce manège, jeune homme? Il doit aller à l'école. Quelle garçon? Est la force G? Fait que la Mustang 2015, voiture très attendue. Cependant, controversé pour le choix du moteur à 4 cylindres de 2,3 litres. On a connu ça par le passé, des moteurs 4 cylindres dans un véhicule sportif comme une Mustang. La plupart des puristes sont outrés. Sortent les pancartes, vont dans les rues. Avec les chaudrons, les pancartes en feu. Hey! Qu'est-ce que c'est ça, un 4 cylindres dans un véhicule sportif? C'est donc bien... Pas beaucoup. Parce que le 4 cylindres, c'est ce qu'on retrouve dans un véhicule comme la Fiesta. C'est pas la même cylindrée, mais c'est un moteur 4 cylindres. Donc, on perd toute l'effervescence de la sonorité, de la puissance et du couple à bas régime. Donc, on se retrouve avec un moteur qui est turbo-compressé qui sonne comme une tondeuse. Au lieu du gros grognement puissant. Viril de gars. Exactement, qui fait tordre le châssis. Là, on a comme un petit aspirateur central qui tire à sa fin. Puis ce qu'on trouve dommage là-dedans, c'est que, tu sais, on doit... Les véhicules sportifs de même doivent s'approprier certaines motorisations, puis ça doit rester le bon cœur doit rester dans le bon corps, si tu permets. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont outrés, mais en même temps, il y en a d'autres, et je vais être d'accord avec les deux. La seconde opinion que j'ai à ce niveau-là, c'est que c'est plus accessible pour les baby-boomers, c'est plus accessible pour des gens qui veulent avoir une petite motorisation, qui ne tiennent pas particulièrement à avoir un moteur V8, car on sait que plus on rajoute de cylindres, plus on rajoute d'essence et de consommation, et on se retrouve à la pompe, puis on se retrouve avec tout le fonds de retraite qui passe dans le char, c'est moins le fun un peu. C'est un peu comme un char de show-off, finalement. Il y a moins de choses dedans, mais c'est de le châssis à l'extérieur. Exactement. Un douche bag. Ouais. On a toujours aussi accès au V6 de 305 chevaux. Donc, on va avoir accès aux 4 cylindres turbo, au V6 et au fameux V8 de 5 litres qui définitivement ravit mon cœur. D'ailleurs, je risque de changer mon statut Facebook pour en couple avec le moteur V8 de 5 litres de la Mustang. Je le sais, c'est un petit peu extrême. C'est mal vu. C'est un petit peu... Pas vraiment, non, c'est parce que ça se fait rapidement, tu sais. Ça fait longtemps qu'on se connaît, okay. Puis, tu sais... C'est de même, toi. T'es un vite. Donc, ça, c'est le salon de l'auto. Est-ce que t'avais autre chose sur le salon de l'auto? Ouais, quand vous allez au salon de l'auto, laissez donc votre bébé à la maison. Ouais? Oui. Pas dans l'auto. Non. Ben, prenez le char à JP. Tu peux d'être tombe. Non, mais c'est pas mon char, l'ancien char de mes parents. On se parle des histoires. Oui. Laissez-la à la maison. Gardienne, tu sais. Un petit 25$ bien investi pour une gardienne pendant 4-5 heures, tu vas la paix. Tu ne seras pas en train de vomir sur ton gilet pendant que tu es en train de regarder un véhicule. Peut-être idéal dans ce cas-là. Vous pourriez faire ça, sinon vous pourriez lui proposer une autre sorte de faveur, ce qui pourrait nous amener à notre prochain sujet, si tu comprends le genre? Absolument. Tu peux passer à la pompe, on va passer à une autre sorte de pompe. Ça va être le sujet de mon prochain article dans le Zone Campus, parce que j'étais en voiture en train de pas me faire ça pantoute. OK. Puis je me suis demandé, quelles sont les conséquences de se faire une fellation en voiture si on se fait coincer? Par la police. Par la police. Oui. qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Parce que, tu sais, je me dis, bon, est-ce qu'il faut qu'il te voie directement sur le fait? Est-ce que ça prend des témoins? Est-ce que, à quel point tu peux être moron pour, tu sais, pas t'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui cogne dans ta fenêtre avec les gyrophares après que tu te sois arrêté sur le bord de l'autoroute? Tu sais, c'est. En tout cas. Fait que je me demandais c'était quoi les conséquences. Et donc, j'ai contacté Catherine Vielle, qui est agente aux communications du service de police de la Ville de Québec, section des affaires publiques et des communications organisationnelles. Les affaires publiques. Ça fait une carte d'affaires que t'as pas le choix de faire sur un 2x4, ça, tellement c'est long. Uh-huh. Donc, le policier peut sévir en fonction du code criminel pour l'article « Action indécente », qui est l'article 137. OK. Personne n'est au courant? OK, fait non, que ça non, vous non. est jamais arrivé? C'est tout nouveau pour moi, toute nouvelle information. Génial. Donc, si le policier est témoin d'un tel acte ou qu'un témoin fait le 911 pour mentionner qu'un conducteur se fait faire une fellation alors qu'il conduit, alors il s'agit d'une infraction mixte. Il y a deux infractions qui peuvent sévir à ce moment-là. Il y a aussi l'infraction au code de la sécurité routière. Le policier pourrait sévir à l'aide de l'article 442, qui est une amende de 30 $. Fait qu'on se dit ensemble que... ça vaut la peine. Ça vaut, ouais. C'est un bon 30 pièces. Et donc, voici le libellé. Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu'un passager, un animal... Non! ...ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule. Donc, pas d'acte sexuel avec les animaux, c'est pas ce qu'on dit. Non, non. Mais c'est habituellement, un chien. C'est ça. Exactement, c'est en plein ça. Ce genre d'amende-là, habituellement, est attitré aux petites madames qui se promènent avec le chien sur leurs genoux. Ça pourrait être une grosse bière, ça pourrait être n'importe quoi. Là. Juste quelque chose, un objet entre les jambes ou qui te cache peut-être potentiellement. L'être. Exactement. Mais encore là, c'est 30 $ d'amende. Ça vaut le coup. Je pense que oui. Mais sinon, pour l'article d'action indécente, mais là, ça prend témoin, il faut qu'on soit dénoncé. Puis encore là, soyez prudents. Idéalement, si vous avez un régulateur de vitesse, c'est toujours mieux. Le cruise control, là, c'est quasiment littéralement de la cruise control. Ouais. Tout à fait. Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est ce qui résume un petit peu l'action de faire ça dans un véhicule. Et tu sais, quand il fait tempête comme hier, c'est peut-être pas le meilleur moment. De s'arrêter, hein? Hein? Pas... Ça réchauffe. C'est... Oui, mais les sièges chauffants, ça réchauffe aussi. Ah. Puis ça te fera pas causer d'accident, puis ça fera pas... Ça n'enverra pas personne chez le dentiste à cause que t'as pogné une bosse, hein? Mmh. Moi, je pensais que... C'est de même que tu l'appelles, ta bosse. Moi, je pensais qu'il parlerait de ceinture de sécurité. Oui. La personne doit se rendre, tu sais. Des fois, les chars sont larges. Oui. Se rendre. Il y a des véhicules qui sont mieux que d'autres pour ça, je pense. Ah oui? Est-ce que t'as magasiné les voitures en fonction de ta bosse? Il y a plusieurs voitures qui viennent maintenant avec une console centrale. Oui. Qui est assez envahissante, donc qui est très haute et qui est assez difficile de se rendre. Donc, idéalement, une camionnette, ça va bien. Une fourgonnette, ça va bien. Et une limo, c'est encore mieux. Hein? Et ça va pas bien avec telle voiture que vous trouverez sur le Facebook en images. Et on voulait terminer avec les voitures. On fait quelque chose sur les voitures les plus vendues. Absolument. C'est le sujet de l'article qui sort dans le Zone Campus d'aujourd'hui. Si aujourd'hui même. Si oui. Je ne m'abuse. On est mardi, donc, le 28, ça va être en journée en kiosque partout sur le campus et ailleurs. Extraordinaire, vous pourrez lire l'article à ce moment-là. C'est la Hyundai Elantra. Hyundai qui fait beaucoup d'avancées ces temps-ci, conjointement avec Kia. Qui offre des produits d'une qualité assez exceptionnelle. D'ailleurs, le designer qui s'occupe des produits Kia était chez Audi auparavant, donc on a accès à des voitures très belles. Même chose pour les voitures Hyundai. D'ailleurs, je conduis une Sonata cette semaine, hein? Qui est l'intermédiaire, donc un petit peu plus grosse que l'Elantra dont je vous parle en ce moment. L'Elantra qui est une voiture compacte, comparable à la Civic Mazda 3, Volkswagen Jetta. Celles-ci viennent de ravir la place de la Civic comme voiture la plus vendue au Québec, avec un total de 20 459 voitures contre 19 658. Quand même, c'est précis. Pour la Civic. Oui. Ben absolument. La Civic qui avait ce titre-là depuis les 15 dernières années. On a pu voir Martin et Matt s'en vanter quelque peu à la télévision. Donc, l'Elantra qui... sérieusement, c'est quand même intéressant comme avancée. Une voiture coréenne qui vient battre comme ça, une voiture japonaise, ça veut dire dans le fond que les Québécois offrent une belle confiance aux produits Hyundai. D'ailleurs, il y a beaucoup de lancements de voitures Hyundai qui se font au Québec puisqu'on est des bons acheteurs de véhicules Hyundai, donc c'est toujours bon signe. Quelle est la voiture la plus vendue mondialement? Moi, je vais y aller avec un Ford à cause des States. Est-ce que c'est un Ford? Est-ce que je suis bien parti? Mathieu? Je vais dire une Toyota. Ah non, ça doit être des Honda. C'est clairement des Honda. Back off. Est-ce que c'est Honda plus? C'est la Toyota Corolla. C'est moi qui gagne! Mais juste dans la gauche. Pas vraiment, t'as backé, tout le monde t'a entendu, t'es arrêté en passant, on est au moins. C'est la Toyota Corolla qui ont tapé le 40 millions de voitures vendues mondialement depuis leur existence. Donc c'est assez violent. Puis c'était un petit peu mélangeant ce que je disais. Tu sais, la voiture qui est le véhicule qui est le plus vendu mondialement cette année, c'est probablement le Ford F-150. C'est ça, ben oui, j'allais dire ça. Oui, j'allais vous dire depuis le début des temps. Voilà. Depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est monde. Mais tu sais, à l'école, ils disaient, Sultan, pas commencer un texte c'est ça, c'est trop large. Tu sais, soyez plus précis, mais tu sais, allez-y large quand même. Tu sais, les enseignants, les profs. Ben oui. Mais effectivement, la camionnette, la Ford F-150, le série F arrive en troisième position au Québec et en première position des ventes au Canada. Mais comment est-ce possible? Parce que c'est pas tout le monde qui a besoin d'un F-150 dans la vie. Moi, je pense que les gens achètent ça juste parce qu'ils aiment ça se sentir à cause des pubs pendant le hockey. T'as beaucoup de gens. Ouais. T'as beaucoup de gens, sa construction. Ouais. Assez pour surtout que ce soit au Québec, numéro 1 au Québec. Genre. Numéro 3 au Québec. Ouais. Elle sera pas numéro 1 au Québec puisque on s'entend qu'en Alberta, Saskatchewan, Manitoba, ils s'en vendent de la camionnette. Si t'arrives là avec ta Ford Fiesta, tu vas te faire regarder comme si t'étais... Quelque chose. C'est pas approprié. Tu sais, quand t'es un cultivateur, quand t'es un agriculteur, quand t'as besoin de faire des voyages de terre, de pouvoir voyager des planches, n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai fait mon déménagement le 1er juillet avec une camionnette. C'est extraordinaire. Ça prend ça, c'est... Puis le refaire à chaque année. Pour l'avoir déjà fait avec une Mazda 2, oui. Pas la même chose. C'est intéressant, c'est le fun, on aime ça. Ça me fait penser à mon voyage de IKEA là, que j'ai fait avec avec mon auto de Boucherville. Les sièges passés par en avant parce que ça rentrait pas dans l'auto. Et voilà. Mais tu es avec ta Audi? Ouais. T'es allé chez IKEA avec ta Audi? Ouais. J'ai pas vraiment le choix. On dit que t'es cave, là, t'sais. Ouais. J'imagine que t'as eu de la misère à... Est-ce que t'es capable quand même d'avoir dans ton rétroviseur? Oui. Non, mais c'était pas super, là. C'était pas... La fellation, ça vient de dire. Oui. J'ai réussi. Non, mais c'était des boîtes assez minces quand même. Là. C'était pas des gros panneaux là, de IKEA. Là. C'était pas une bibliothèque. Ça a été correct. C'est juste long. Il y a certaines voitures de luxe qui se font plus avec les sièges arrière qui se baissent. Oui, comme BMW, je pense, qui se font pas. C'est en option. Faudrait que je vérifie, mais assurément, la Cura TL, okay. C'est seulement une Travaski. Bonne chance, mon grand, si tu vas au IKEA. Puis ça, c'est un argument d'achat qui est assez poignant parce que, tu sais, pas être capable de baisser les bancs à l'arrière. Ouais, on oublie tout ce qui est transport, tout ce qui est... pratique. Pratique, et voilà. C'est pour ça que les voitures à rayons gagnent en popularité. Mm-hmm. Et je finirai avec l'Elantra, qui est en version GT. Je me suis fait... j'ai appris cette nouvelle-là. T'es gâté comme GT. Tu gardais en l'essayant, ça? J'ai testé. J'étais de l'essayer. Ouais, c'est bon. J'aime mieux celui-là. Allons-y avec ça. La GT qui provient de la i30, qui est une voiture européenne de Hyundai et qui n'a pas les mêmes composantes que l'Elantra 4 portes. Donc, celle-ci se veut plus sportive, avoir une conduite qui va être plus précise. Donc, si vous voulez avoir un petit peu de fougue, vous hésitez entre une Elantra 4 portes et 5 portes. Priorisez la 5 portes pour un petit peu plus de vigueur, plus d'espace et un look discutable. On va aller voir ça. Oui. C'est tout? C'est absolument tout. Je vous invite à visiter le www.prnds.net. Vous abonner à la page Facebook aussi du même nom. facebook.com/prnds.net. Si vous avez des questions en automobile, vous pouvez aussi me joindre par téléphone 418-999-6949, idéalement par message texte. Idéalement pas pendant l'émission comme c'est arrivé tantôt. Exactement. Donc, si vous voulez, si vous hésitez entre un choix de voiture, parfois c'est compliqué, on sait pas trop quelle voiture prendre. Est-ce qu'on y va à la location, à l'achat, est-ce qu'on la prend à usager ou pas, est-ce que quelqu'un a reculé le compteur, est-ce que je suis en train de me faire avoir dans l'achat de ma voiture, est-ce que je devrais aller dans un gros véhicule, un petit véhicule, qu'est-ce qui consomme le plus, est-ce que telle chose est vraie ou pas. Téléphonez-moi. Écrivez-moi par texto ou encore contactez-moi via le Facebook. Ça va me faire plaisir de vous aider dans votre choix automobile puisqu'on sait à quel point c'est déroutant. Et d'ailleurs, si moi j'ai acheté un lave-vaisselle, je vais aller voir un pro du lave-vaisselle parce que j'ai pas le temps de me renseigner là-dessus. Et moi, je suis là pour vous, mesdames et messieurs, pour lire sur l'automobile et sur les véhicules et pour vous donner la meilleure information qui soit pour éviter que vous fassiez avoir. Et voilà, vrai chef. On clé aussi dans Zone Campus aux deux semaines et sur zonecampus.ca. Jean-Samuel Gué. PRNDS, c'est pareil comme sur le petit bâton de fellation dans le milieu du... Exactement. Oui, c'est le de solo. Le chemin du levier de vitesse automatique sur une voiture. Ah, c'est ça le nom. Parc reculons Neutre Drive Sport. Donc, PRNDS. Et le point .com n'était pas disponible. Ça coûtait une beurrée. Oh. Ça coûtait quoi, un an de salaire d'un chroniqueur automobile. 1 000 $. Voilà, merci beaucoup. Jean-Samuel, à la semaine prochaine. Il m'en dit à 7h30 en tout début d'émission. On va se quitter avec une pièce musicale de David Marin parce qu'elle s'appelle À l'abri du tempo. Parce que j'arrête pas de toucher, c'est ça? Un vrai marin, hein? Un vrai marin. Fais, prends les fisherman's friends. Ben, je pense que je vais y aller là-dessus. C'est pour les pêcheurs. Ouais. Un vrai marin. Ça va être gluant sur le poisson. On a dit assez de fois le mot fellation. Quand même, hein? Entreprise qui prend le monde pour une valise. L'économie qui sodomise et dévalise le monde à journée longue. Je place du stock sur des tablettes, ben enligné devant l'étiquette. Je roule trop vite pour la planète, qui est plus carré que ronde à journée longue. Et quand tombe la nuit, je reviens à l'abri. Retour le temps d'une culture avec Alexandra Carignan à Assemblage Requis. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on se toujours à Assemblage Requis en ce mardi 28 janvier 2014. C'est Jean-Philippe Charbonneau. Et les Mathieu Plante. Et on a parlé de voiture tantôt. Vroom, vroom. On parle... Ben, des fois, quand ça part pas... Boum. Je trouvais que ça avait l'air de la danse, quelque chose comme ça. Je voulais amener ça vers, tu sais, la culture... Tacatacata, concours de danse. J'ai roulé sur mon pied. Attends, je vais lever l'auto. Ah, je suis culturé. C'est le temps de culture. C'est moi qui paye bien d'habitude, tu vois pourquoi. Ah, Jordan de culture. Il était bon quand même, ton lien, Jean-Philippe, je dois l'admettre. Mais t'as le droit de dire non. T'as le droit de dire non. C'est pas grave. Tu peux pas faire semblant que j'aimais ça? Oui. Ben, c'était bien bon. Donc, salut Alexandra Camille. Allô? Ça va? Hey, ça va super bien. Cool. Belle petite semaine de culture devant nous, j'imagine. Oui, moi, plus calme que les autres. Ça, faut quand même le mentionner. Là. On a une semaine relax culturelle. Mais quand même très intéressante, par exemple. C'est le fun, c'est confortable, la culture. On peut relaxer, on peut même s'endormir sur certaines affaires de culture. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Ben, en fait, on peut s'endormir sans trouver ça plate, on va se dire. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, s'endormir sur quelque chose, d'habitude, là, c'est pas une bonne chose. Là. Mais la musique New Wave, là, hein? C'est juste fait pour décrocher. C'est juste fait pour ça. Ben oui, juste pour ça. Hey, je vous le dis, il y a des choses ici. Alors, cette semaine, en culture, il y a beaucoup de choses. Ben non, il y a pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais pas beaucoup de choses. Il y a quelque chose de très intéressant, par exemple. De qualité. Oui, parce qu'en fait, la semaine passée, si vous m'avez écouté, je vous ai présenté les documentaires de l'ONF. Oui. Alors, en fait, il y en a cette semaine. Donc, oui. C'est fou de même. En fait, mercredi, le 29, il va y avoir « Nous n'étions que des enfants » qui va être présenté. Documentaire de l'ONF, je vous le rappelle, en fait, c'est des projections gratuites des documentaires qui ont été faits dans l'année au courant 2012 et 2013. Donc, les best-of un peu qu'on sort de Montréal et qu'on amène ici à Trois-Rivières. Vendredi dernier, il y avait Ron Turcotte, le jockey, là, avec les autres, les chars. Là. Les chevaux. Les calipodromes. Hey là là, hein, ça fait... Il fait frais dehors, mon cerveau est encore gelé. On met ça à defrost. Oui, je vais mettre ça maintenant... OK, parfait, c'est fait. Alors, oui, il y avait Ron Turcotte vendredi passé. Et là, cette semaine, c'est nous n'étions que des enfants sur les passionnats autochtones du début du 20e siècle. Très intéressant, docu-fiction. Donc, on a des personnes qui racontent et on a recréé les scènes qu'ils vivaient. On le dit tout le temps, mais encore la façon documentaire à Canal D. Oui, oui. Un tueur si proche. Un tueur si proche. Ça ressemble un petit peu à ça, mais moins cheap. Hey, pardon, un tueur si proche. Production locale. Ben, c'est pas sûr, c'est cheap, mais c'est sensationnaliste un petit peu. Là, on parle d'enfants qui se sont fait violer. C'est pas pareil. D'ailleurs, en public averti, nous n'étions que des enfants. Public averti. Mais c'est très intéressant quand même, Pam, pour moi, mettre à jour là, ce qui s'est fait, ce qu'on a découvert sur les personnes autochtones. C'est ce mercredi, 19h30. C'est simple que ça. Mercredi. Et oui, c'est pas mal ce qu'il y a en culture cette semaine. OK. Mais merci, Alex. À la semaine prochaine. Mais en fait, j'ai quand même des choses à vous parler. Parce que vous savez, quand il se passe rien, je vous trouve quelque chose à vous jaser. Bien, évidemment, c'est sûr qu'il y a l'improvisation. Hein? On le mentionne tout le temps. Hier, c'était le match à la Luître des Oranges contre les Verts. Drôle d'ambiance. OK. Parce qu'en fait, la tempête et tout, ça nous a amputé les joueurs un petit peu. Ouais. Alors, les Verts étaient trois. Oh! Et les oranges étaient avec le sub des bleus. OK. Mais ça a quand même fait un très bon match. C'est les oranges, finalement, qui ont remporté le match par un point. Très serré, me direz-vous, mais il y a eu un nombre jamais égalé de pénalités. Est-ce qu'il y a eu des expulsions? Non, parce que l'arbitre Jocelyn l'a dit. Il dit, théoriquement, je devrais donner une punition personnelle, mais on n'est tellement pas beaucoup sur le jeu, je ne veux pas en enlever un. Il est fin quand même dans sa méchanceté. Mais c'est un match quand même très intéressant. Le public, hein, je le dirai jamais assez, là, il est bon. Parce que des fois, tu fais « Ah, l'impro est pas si bonne que ça », mais le public rit pareil. Mm-hmm. Parce que c'est ça l'avantage de la lutte. T'as pas besoin de faire une bonne impro. T'as juste besoin de faire un bon gag, puis le public fait « C'est correct, je te pardonne. » Tout ça, juste avoir de l'alcool pas trop cher et de qualité. Mais c'est le public de la lutte. On n'est pas du match d'ailleurs d'hier, non? on sait pas ce qui s'est passé. Alors, c'était la lutte hier. Ce soir, c'est la Lime. La Lime, 20h, en fait, c'est les oranges qui vont rencontrer les verts. Les verts qui vont jouer pour la première fois depuis le début des fêtes. Seront-ils rouillés? C'est ce que vous savez. Nous verrons. Et là, c'est pas les mêmes oranges, c'est pas les mêmes verts, parce que c'est pas la même ligue. Exactement. En fait, c'est la semaine des verts oranges, mais c'est pas la même ligue, comme tu l'as mentionné. C'est pas l'Halloween, non. C'est non plus pas l'Halloween. Parce t'as que des verts et oranges. Vert et orange, hein? C'est Halloween, ouais. Mais non, c'est plus parce que la citrouille a une affaire verte dessus. Ah, mon Dieu. Ah, ben, okay. Excuse-moi, je dérange-tu? Va-t'en vert d'or! Mais donc, l'improvisation ce soir, 20h, c'est à Louis-Philippe Poisson. 5$ étudiant, 6,50$ adulte. Et d'ailleurs, si vous voulez faire quelque chose de gratuit, vous pouvez aller voir le documentaire à la salle Anaïs Alain-Rousseau, juste à côté, Le Prix des mots, sur en fait, la liberté d'expression au Québec. Mm-hmm. Donc, un auteur qui s'est fait, qui a écrit un livre sur le massacre que les minières font en Afrique. Et les minières ont poursuivi l'auteur pour plusieurs millions. Et il a perdu. Oh. Alors, il y a un documentaire là-dessus. Il n'a pas dû donner plusieurs millions, mais il a quand même fait interdire son livre au Canada. Alors, quand même intéressant. Ça se passe à la salle Alain-Rousseau, 19h30, une demi-heure avant la lime. Donc, vous dépêchez-vous comme un gros, puis après ça, à 20h. Oui, c'est ça. Allez voir la première demi-heure, puis ensuite, le livre. Mais non, allez faire ce que vous voulez. Sinon, ben, il y a Unité 9 à Radio-Canada. Hey, ouais, la grosse sortie, toi. La grosse sortie de la semaine. Sinon, en fait, je vais faire un bref retour sur quelque chose qui s'est passé en fin de semaine d'assez important. Les Grammys. Alors, les Grammys, c'est en fait le gros gala de l'année là, qu'on a musical. Certains vont me dire que ça ne promouvoit que la musique populaire. Et je vous dirais oui. Pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. Mais il y a quand même des catégories intéressantes. Bon, si vous avez écouté le spectacle, vous avez, comme moi, pleuré à l'interprétation de Same Love de Michael Moore. Où est-ce qu'il y a eu 35 mariages. Ouais. Eh hey, oui, j'ai pleuré comme un vrai gros bébé gâté. Et la controverse que ça a fait, toi, dans le Twitter et les twittosphères de... sur les mariages gays qui ont été faits. Oui, ouais. Ça a fait une controverse, ça devrait pas, mais c'est ce que ça a fait pareil. Ça devrait pas, mais ça le fait pareil. C'est triste, pareil. Ouais. Oui, tu sais, en tout cas, moi j'aime les gays. nous aussi, en fait. Ils sont si beaux. Mais c'est ça. En fait, je suis juste triste qu'ils soient gays, souvent. Mais c'est ça. Mais pour vrai, c'était vraiment une extrêmement belle performance. Same Love, qui est une de mes chansons préférées. Oui, j'écoute Michael Moore. OK, j'ai son CD. Ça m'arrive. Michael Bublé, j'imagine. Michael Moore aussi. Michael Moore, le cinéaste? Non, Michael Moore et Lewis, il faut vraiment que tu sois OK, non, excuse-moi. Pas Michael Moore comme le documentarien. Mac Lemore. C'est dans l'interprétation de la prononciation. Pendant 5 secondes, je me suis demandé si c'était une blague ou pas. Je ne savais pas comment réagir. Je sais que... La trame sonore de Bowling for Columbine, je te jure, j'ai ça sur repeat dans mon chat. Je sais que c'était même pas une blague que tu m'as dit. Non, c'était que vraiment... Mais hier à la luitre... Hier à la lutte, l'arbitre Jocelyn a demandé une improvisation à la manière de Michael Moore. Et là, Maxime de dire comme le chanteur. Et ça, c'était une blague. Alors lui, ça, c'est très très drôle. Il a fait l'inverse. C'est ça. Michael Moore et Ryan Lewis, le célèbre duo. Ben oui, c'est ça, le célèbre duo. En tout cas, c'est drôle, hein? Très drôle, c'était bon ça. Michael Moore, qui a quand même remporté beaucoup de choses à la soirée des Grammys, il a remporté en fait l'album de l'année dans la catégorie rap, ce qui a fait certaines controverses parce que certains ont dit « Ah ouais, Michael Moore, rap? » Mais en fait, c'est ça, c'est à savoir le grand débat. Est-ce que c'est rap ou pop? Bon, certains ont contesté ça. Mais quand même, ils ont gagné là, le meilleur album hip-hop de l'année. Meilleure performance aussi. Pour vrai, Michael Moore, en performance, là, il rentre au poste en tabarouette. Alors, il gagne meilleure performance, meilleure chanson rap aussi avec Thrift Shop, qu'on connaît tous parce que son rythme est si entraînant. Oui, les deuxièmes grands gagnants, en fait, ceux qui ont eu le plus de Grammy, c'est évidemment Daft Punk. Daft Punk habillés dans leur magnifique soute de robot. Avec le casque pis tout. Le casque pis tout, qui ont gagné, quand même, là, meilleur album de l'année, meilleure chanson pop aussi avec... chanson Get Lucky avec Pharrell Williams. Meilleur enregistrement? Mais, oui. Wow! Ouais. Meilleur enregistrement. Ouais. Il y a des droits de catégorie, des fois. Mais oui. C'est bien tapé, ça, Pharrell. C'est vraiment bien tapé. Ouais. Alors, beaucoup de gagnants de ce côté-là. Meilleure chanson de l'année, Royal, de Lord. Ouais. Alors, très intéressant. Et aussi, en fait, ce qu'on parle souvent moins, c'est les albums un peu plus alternatifs. Et c'est ce qu'on passe ici. C'est ça que je voulais. Tu sais, je ne vais pas vous mettre du Macklemore, là. Je ne vais pas faire ça. En fait, je vais aller vous faire écouter les gagnants de l'album de l'année qui, selon Pitchfork, selon Metacritics, est le meilleur album de l'année. Donc, et ça, c'est comme un peu... ça s'est justifié au Grammy, c'est l'album Modern Vampire of City de Vampire Weekend, qui est un de mes très bons groupes préférés. Bon, oui. Et si vous dites Vampire quoi? Non, c'est pas un truc de vampire de Twilight ou de Vampire Diaries. Non, c'est ça. C'est un très bon groupe et d'ailleurs, je me suis dit YOLO, je vous fais écouter ça aujourd'hui. Alors, on va aller écouter Unbelievers de Vampire Weekend. Le temps de culture à Assemblage Requis. Should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? I know I love you, and you'd love to see the world only one of the days, and it drops for me. Believers, all of the sinners the same. Girl, you would now die. Unbelievers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world has planned for me? Should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? I know I love you, and you love to see. But what holy water contains, a little drop for me. Alors, c'était Unbelievers de Vampire Weekend qui ont gagné le meilleur album alternatif de l'année au Grammy. Je vous conseille fortement là, d'aller voir un top 3 des meilleures performances du Grammy, d'aller voir ça. Pour vrai, c'est très impressionnant. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais la performance de Kendrick Lamar avec Imagine Dragon était mongole. Cool. Mais mongole, là... Dans le bon sens du terme, ah, oui. Avec tout le respect c'était, qu'on leur a. En fait, c'était hallucinant, la performance. Ou est-ce que, moi, ce que j'aime au Grammy, c'est qu'ils font des mash-ups avec deux chansons que tu aurais faites. Ben oui. dans ta tête, tu as fait ben non. Et quand tu l'écoutes, tu fais ben oui. C'est tellement évident. Ça fait ensemble. Et donc, ils ont pris la chanson Radioactive, qu'on connaît tous, là, d'Imagine Dragons. Et c'est ce qui commence. Et finalement, c'est Mad City de Kendrick Lamar qui embarque. Et c'est pour vrai Kendrick Lamar. Moi, j'aime beaucoup Macklemore, mais je suis triste que Kendrick Lamar n'ait pas gagné meilleur album rap de l'année. Il est vraiment, vraiment bon. Il a un flow qui est impressionnant. Alors, allez voir ça. Imagine Dragons et Kendrick Lamar ensemble. sinon, si vous ne vous êtes pas procuré l'album de Vampire Weekend, ça vaut la peine. Il est considéré comme un des meilleurs albums de l'année dans le style, justement, le alternatif. Et je vous ai parlé des Grammys, mais là, j'ai oublié une date, j'ai oublié un truc. Une chose. Cette semaine, oui, à la salle Louis-Philippe Poisson, je vous ai mentionné tantôt, il y avait la Lime le mardi. Eh bien, le jeudi, on reçoit les six cute gars de Trois gars sur le sofa. Ah. Mais ils sont cute, ils sont beaux, tu sais. Trois gars sur le sofa, que ça fait plusieurs années qu'ils rodent, et là, ils ont sorti un nouvel album récemment. Et ils seront en spectacle à la salle Louis-Philippe Poisson. C'est le cabaret, donc super, là, super cosy, super intéressant, bar à l'intérieur. On est vraiment près des artistes et c'est toujours intéressant. Il y a une proximité que tu n'as pas dans les autres salles à la salle Louis-Philippe Poisson. Et avec un groupe comme les Trois gars sur le sofa, c'est sûr que c'est bon. Et je pense que vous avez des surprises. Oui, on a des surprises, Dupi. En effet, Mathieu, on aurait une paire de billets à faire tirer. Dis-moi plus. Là. En ce moment, live. En ce moment, là, on va donner un numéro de téléphone, mais pour juste le rappeler rapidement, c'est le 30 janvier, donc ce jeudi, à 20h à la salle Louis-Philippe Poisson, comme Alexandra vient de le mentionner. Donc, c'est ça, une paire de billets à gagner. 819, le 376-5183, Mathieu. Ben, 819-376-5183 me semble un numéro tout à fait raisonnable. Et pendant ce temps-là, on va remercier Alexandra pour sa participation. On va l'entendre du 3 gars sur le sofa avec Valérie Proulx. Puis encore une fois, 819-376-5183. Wow! Pour une paire de billets, pour trois gars sur le sofa, je lui dis, c'est le fun, ça? C'est là qu'on appelle! C'est là! Tout le monde s'endort. Sur chaque étage, quelqu'un du bureau porte fièrement un dossard. La seule fois dans l'année où tout le monde prend l'escalier. Arrivé dehors, essoufflé comme un petit vieux, je me dis qu'il faudrait vraiment que je fasse plus d'exercices de feu. C'est là que bang! Avec ta petite chute, c'est comme si part dans le foyer de mon cœur t'avais mis une bûche. Nos deux groupes ont rapidement été séparés par les pompiers. J'ai voulu crier ton nom, mais je savais pas, fait que je l'ai inventé. Valérie Proulx, c'était pas ton nom. Tu m'as regardé quand même, les yeux pleins de questions. J'étais certain qu'un jour nous rions de ce moment. En bas de laine dans un chalet en bois rond avec nos enfants et un groupe d'amis. Depuis ce moment j'apprends des corridors et fais des détours d'ascenseur. Chaque étage est rempli d'espoir et de doute que tu travailles peut-être ailleurs. J'envoie même des courriels à tous avec un dessin de ton visage. Auparavant, j'avais toujours hâte de quitter le bureau. Maintenant, chaque soir, j'ai le cœur gros quand j'embarque sur mon vélo. C'est là que bang, t'as foncé dans mon PC avec ton auto. C'est comme si, par je revenais à la vie couché sur ton capot. Quand je suis revenu à moi, j'étais entouré par les ambulanciers. Le deux m'a souri et m'a tendu un message sur un bout de papier. Valérie Proulx, ce n'est pas mon nom. Avec ton numéro V2X, écrit en crayon blanc. Valérie Proulx, ce n'est pas mon nom. Avec ton numéro V2X, écrit en crayon blanc. J'étais certain qu'un jour nous ririons de ce moment. En poitrine dans un chalet en bois rond avec nos enfants. Valérie Proulx. Au retour, c'est la chronique Kinky Sexy Time. Oh, ça va être cute ça. Au froid qui fait. Au froid qui frette. Au comment? Au froid qui frette. Ok, j'étais pas sûr. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes Toujours à Assemblage Rocky en ce mardi 28 janvier 2014. Mathieu Plante, c'est moi, hein? Jean-Philippe Charbonneau, c'est l'autre, là. Oui, l'autre chante, là, comme un épée en arrière. Ouais. Je comprends pas comment j'ai été capable de faire ces back vocals, là, la dernière fois. Ben, je sais pas, t'avais plus l'air de... D'une femme. Non, quelqu'un qui se passe le rince-bouche dans la bouche, c'est ça? Non, ça sert comme ça. Peut-être. Peut-être un peu. Mais bon, donc, bon retour à vous. Dans le reste de l'émission, ben, il n'y a plus de chroniqueurs, c'est que toi et moi. Ben oui, on les a comme mis au début. C'est ça. Qu'on ait la paix pour Kinky. Enfin, seul, pour parler de cul. Non, on va parler de... Je baisse la lumière. Oui, oh. Et tu mets la voix rauque un peu. Oui. Non, on va parler de choses kinky, de choses osées, mais avec classe et bon goût. Comme des gentlemen. Des vrais gentlemen, exactement. Donc, Kinky Sexy Time s'en vient, mais avant ça, voici Said the Whale. Une baleine quand ça se met à crier, toi. C'est le jet que ça fait, hein, quand ça fait... C'est exact. Set the Whale à Assemblage Rocky et maintenant Willow, we go low low low mais vers le milieu du corps. Voici, et personne n'a compris, hein. Voici Kinky Sexy Time. Pas semblant que tu réponds pas à ma, Non, moi, je chigne des feuilles, je chigne des autographes. Il brasse de la paperasse, lui, là, tout le temps. Il est en plein milieu d'émission, puis il brasse de la paperasse. C'est un vrai déjeu. Ouais. Ridicule. Donc, c'est Kinky Sexy Time, la chronique pour un public plus ou moins averti, où on parle de choses osées, mais avec grande classe, comme des gentlemen, on l'a dit. C'est comme ça. On n'est pas là pour parler comme des sauvages. Là. Mais non. Mais non. Je vais te demander qu'il y ait une petite devinette pour dès le départ, comme ça. OK, comme ça, nonobstant. Nonobstant, je sais que t'aimes ça. Hier, j'en ai pas fait assez. Comment? Colin. Tu vois, fait qu'il n'y a pas juste toi qui comprends pas mes blagues, je comprends pas Étienne. Nonobstant. Non, tu l'avais déjà dit, là. Tu l'avais déjà dit, on avait déjà compris. Excuse-moi. Je trouve tellement bonne. Je suis tellement déçu qu'elle soit tombée dans le beurre. Ben non. C'est parce que si on met trop l'accent dessus, ça devient comme plus gentleman. Et je venais de dire qu'on était gentleman. Oui, je sais. Mais je la note quand même. Merci. Donc, devinette, qu'est-ce que la trichophilie? La trichophilie, ça c'est quand t'aimes ça tricoter. C'est quand tu te mets une pantoufle Fentex à la place du condom. Ah, ben oui. Non, trichophilie, c'est une paraphilie. Donc, on a déjà appris ce que ça voulait dire une paraphilie. C'est un fétiche, genre quelque chose comme ça. Quelque chose qu'on aime, mais qui est comme pas dans les normes. Où on devient sexuellement excité par les cheveux humains. Ah! Ou les poils, donc tout ce qui est hair. Tout ce que je me suis fait enlever hier. Hair. Oui, mm-hmm. T'as plus de barbe. Plus de barbe, plus de cheveux. Plus de cheveux, non, c'est pas vrai. Ben, tu te rends barbe combien de fois par semaine, toi? Ah, ben là, je l'ai fait hier. OK. Une fois. Une fois par semaine? Une fois ou deux, ça dépend. OK. Puis les cheveux? Mais là, je les ai fait couper aujourd'hui. Mm-hmm. Hier, en fait. Cool. Ça te fait bien. Ben, j'ai froid maintenant. T'as froid? J'ai froid. Oh, petite chouette. Donc, trichophilie, tu pourras te mettre une pantoufle Fentex à la tête. Et voilà. Ensuite de ça, Berlin. Un club de fétichistes qui vous permet de voyager dans le temps, entre guillemets, et avoir des relations sexuelles comme si on était au Moyen-Âge. C'est intéressant quand même. Là. Et les maladies qu'il y avait. Tu fais picher des pilons de poulet. Des pilons de poulet. Comme dans une grande foire. Là. Dans un. Comment on appelle ça? Un real life. Là. Un GN. Oui, c'est ça. Grandeur nature. Grandeur nature. Merci. Les couples qui se marient dans certains mois de l'année ont un plus haut taux de divorce. Donc, nomme-moi les trois mois de l'année où les taux de divorce sont les plus élevés. Il faut que soit, ils se sont mariés en ce mois-là. En ce mois-là. Le divorce. OK. OK. Là, je vais y aller pour un guess. Le mois de novembre. Non. OK. C'est même pas dans le sondage. OK. Ce mois-là, il n'existe pas. Non. OK. Dans ce cas-là. Ça va être OK, en février, parce qu'il y a la Saint-Valentin. C'est la réponse numéro 2! Oui! En fait, ils sont pas dans l'ordre dans ce que j'ai, mais oui, numéro 2. OK, il va y avoir aussi pendant l'été, peut-être juin. Faux. OK, juillet? Non. Où? Non. Septembre? Non, ils sont tous au début de l'année. Hein. Ah, janvier, février, mars. Janvier, février, mars, exactement, les trois premiers mois de l'année. Là où les gens se marient dans ce mois-là, ont plus de chances de se divorcer, selon une étude. Ah ben... Ensuite, le nombre de gens, selon toi, qui ont des relations sexuelles en ce moment même sur la planète. En ce moment même, oui, là. À la minute ou à la seconde qu'on se parle? En cette minute. En cette minute, moi, je dis qu'il y en a au moins 30. Personnes qui ont des relations sexuelles à la minute près, là, en ce moment, il y en a 30. Je te dirais, va beaucoup, beaucoup plus haut que ça. 300? Overbid en... 3000? Overbid. 30 000? Overbid. 50... Non, c'est dans 166 000. Ça aurait pu, je voulais pas te laisser continuer trop longtemps. 166 000 personnes, ça devenait long. Mais de gens qui ont des relations sexuelles en ce moment même. Peut-être qu'à 8h40. Ouais, oui. Toutes les heures sont bonnes parce que dans le monde, les heures sont ça. Il est midi à quelque part. Une horloge est brisée. Et il va toujours avoir midi à un moment donné. Bon. Ouais, deux fois dans la journée. Ouais, genre. Environ le quart trompe quelqu'un en ce moment. De ces 166 000. Wow! On les salue tous. Oui, c'est ça. C'est donc 30, c'est ça? Oui, sont-tu 30 dans le monde, pour vrai? Tu pensais qu'il y avait juste 30 personnes? Ben je pense que je suis allé à la seconde. En tout cas. Parce que dans une seconde... OK. C'est bon. Le sexe intercrural. Qu'est-ce que ça veut dire, crural? Je vais chercher en français qu'est-ce que c'est. Intercrural. Ouais. Ça, c'est quand tu manges du tartare. C'est de la viande crue. Puis tu fais ça avec ton tartare. Wow. Crural. Non, ben ça doit être quelque chose. Attends. Tartare. Crural. Ça doit être rapport. C'est un lieu. C'est physique. Ben c'est un rural, lieu. Mais non. Non, cru. Dans une prison. Non, carcéral, ça s'est arrêté, j'imagine. Mais non, le coït intercrural en français, oui, du latin inter qui veut dire entre. Hein? Ouais. Et crural qui veut dire jambe. Ah. C'est une pratique sexuelle en cours de laquelle la stimulation sexuelle masculine est obtenue en enserrant le pénis entre les cuisses de son ou de sa partenaire, simulant une pénétration vaginale. On parle également de stimulation intertémorale, nous dit-on. Quand même pas pire, hein? C'est de la friction. On appelle ça aussi du frotti-frotta, du frottage. C'est comme frotti-frotta. Il y en a qui disent ça. Frotti-frotti par-ci, frotti-frotti par-là. L'engin masculin. Environ, si on veut voir chez quelqu'un la grandeur de son zouizoui, on nous dit, selon une autre étude, que c'est environ 3 fois la longueur du pouce. Je sais pas si faut commencer. On peut-tu commencer au point ici? Oui, c'est ça. Comment? Mais c'est ce qu'on nous dit. Une personne sur 50 dit avoir eu des relations sexuelles dans un avion. Une? Ouais, bullshit. Une personne sur 50. Une sur 50. Moi, j'ai déjà fait croire ça à des amis. OK. Ben là, c'est pas vrai. Là. Ah. Qui veut faire ça? Premièrement, ça pue. C'est très petit. Mais tu sais ce qu'on appelle le Mile High Club? C'est tout c'est comme un gage de... C'est comme un rite de passage, si on veut, de faire des relations, d'avoir des relations dans l'avion. Ouais, mais là, une personne sur 50 dans un gros avion... 2%, c'est pas tant... C'est petit. Oui, mais 2%, il y a peut-être 200-300 personnes dans un gros avion. Ouais. Ça veut dire que 3 personnes feraient l'amour là. C'est ça. C'est impossible. Chacun son tour. Ouais. Il donne la touch un peu comme à boxe, là. OK, j'en peux plus, tiens! Ah, c'est l'autre qui rentre. Puis qui rentre. C'est ça. Puis qui rentre, oui, c'est ça. Occupado, exactement. Une autre devinette, tiens, qu'est-ce que la trichomoniasis? Le trichomoniasis, je vais le mettre au masculin, ça sonne mieux. OK, mais tantôt, on a vu que tricot, c'était... Les cheveux, les poils. Oui. Donc, ça doit être la même affaire, mais avec une maladie. Aïe, ben, t'as un point de départ pour le fait que c'est une maladie. Pas mal tout à date. C'est bizarre parce qu'en effet, le mot commence pareil. Ben oui, tricot, hein, c'est pareil que tantôt. Mais en fait, c'est une maladie sexuelle, celle-là, la trichomoniasis. Maladie sexuelle commune plus chez les femmes et chez les hommes qui ne sont pas circoncis. Donc, ce que ça fait, c'est que t'as une décharge de ton engin, OK, qui est vert jaune et un petit peu genre mousseuse, un peu champagnesque, non, peut-être plus bière, le petit filet de mousse. Faut que tu tangues le bol de toilette pour faire de la boue. C'est ça. Oh. Ouais, ça ressemble à ça, mais c'est vert ou jaune. Ah ben, super. Qu'est-ce que le tribadisme? C'est un rythme tribal. Zisme sexuel. Okay, oui. Tribadisme, en fait, c'est une forme de masturbation mutuelle où la femme va frotter son entregent féminin contre le corps de son partenaire pour avoir une stimulation sexuelle. OK. Simple quand même, c'est ce qu'on appelle faire les ciseaux. Exactement ce que j'allais dire. C'est ça. Qu'est-ce que la tératophilie? Tératophilie. Dure, celle-là. Ah, ben ça. ça se pourrait, mais ça serait un petit peu bizarre, tu vas voir. OK. Terra. Comme Terra Octet, donc 4. C'est quoi déjà Terra? Je sais plus, je veux pas t'aider. Non, je sais pas, Mathieu, je sais pas. Celle-là, je donne ma langue. C'est quand t'as des Terra Octet de porn sur ton disque dur externe. Non, tératophilie, c'est un terme technique pour l'attirance sexuelle envers des gens qu'on dit déformés, dont on dirait monstrueux, mais j'aimerais mieux ne pas utiliser ce mot-là. Donc, à déformer ou qu'on a quelque chose de pas très commun dans leur formation. Ça pourrait. Ben, non, ça, c'est un handicap d'amputation. OK. D'après moi. Et là, je parle vraiment à travers mon chapeau. Mais on parle vraiment de gens défigurés, peut-être qui ont un problème dans le visage ou quelque chose comme ça. C'est étrange. C'est étrange. Mais non, c'est terato. Pas t'étrange. Tétrangophilie, c'est bizarre. Tamakeri. On a, je crois, déjà parlé un petit peu, on a abordé le sujet. Tamakeri, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un harakiri. Je pense que c'était la même blague que tu avais fait, ouais. Ah ouais, mais... De pénis. Okay. Tu te auto-rentres. Wow. Tamakeri, c'est un fétiche sexuel où la femme va botter et attraper, ah, va oui, prendre les parties. Les couilles, c'est ça, de l'autre. Et va commencer à les tordre et à les twister. Les tordre, vraiment comme les tordre, les testicules. Pour savoir l'âge que t'as. C'est ça. C'est comme un avocat, tu tordes pour savoir si c'est ta maturité. Mais voilà. Voilà, il est dans la crise de la quarantaine, attends un peu. Justement, il était, c'est pour ça que je fais ça. Le maudit. C'est terrible tout ça. Le record du monde pour le plus long pipi. On parle pas de l'engin, excuse-moi. C'était la longue. On fait la longueur de la durée de la pissette. La pissette. Va aux toilettes. Écoute, des fois, j'ai vraiment, vraiment envie. Je vais aux toilettes, s'il te plaît. Puis ça dure genre 20-30 secondes, puis je trouve que c'est très très long. C'est rien ça. Donc ça doit être absolument rien. Je vais tripler la mise en disant 90 secondes, 1 minute 30. Aïe aïe, non, c'est 58 secondes. Et je voulais aller voir 508 secondes. 508? Ouais, c'est ça, j'ai mal dit. 508 secondes divisé par 60, ça va donner 8 minutes. Est-ce que ça marche comme ça, les calculations de minutes? Oui, pas oui. En tout, je pense. Ben, je pense que oui, moi. Mais 508, ça c'est beaucoup. Ben, voyons donc. 508. Ben, d'après moi, le gars, il avait vraiment une petite tuerette. Ouais. En tout cas, c'était un... J'étais allé à l'épicerie, mais c'est comme un long Costco, tout ça. C'est un super marché. Quand... Oui, c'est ça. À l'épicerie. Bonne, Mathieu. Merci, ça fait plaisir. On prend une petite pause musicale. Et après ça, on revient avec une deuxième partie de Kinky Sexy Time. On s'en va entendre Dr. Doug. Et on dédie ça à toutes les femmes dans la place. C'est love. Assemblage Rick. Dr. Doug. Toujours dans Kinky Sexy Time, Jean-Philippe? Oui, Mathieu. On va aller dans des faits un petit peu plus détaillés, des petites histoires coquines et osées. Depuis 2008, en fait, c'est le pays de l'Iran qui a le plus d'opérations de changement de sexe, plus que n'importe quelle autre nation au monde, sauf la Thaïlande. Ah, ben c'est ça. Il me semblait aussi. Je pense que Thaïlande, ça sonne changement de sexe. Ça a l'air à ça. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il me semble que tout le monde qui va là revient avec un morceau en moins. Je voulais te faire patiner un petit peu, ça a marché, je trouve. Ouais, quand même. Bref, le gouvernement paie jusqu'à la moitié des coûts, donc c'est de l'assistance financière. Puis un changement de sexe est reconnu sur le certificat de naissance. C'est pas possible pour les personnes qui veulent changer de sexe, qui demandent de changer de sexe, de ne pas passer par la chirurgie. En fait, c'est obligatoire. S'ils sont approuvés pour le changement de sexe, ils doivent absolument suivre le traitement immédiatement. OK. C'est ce qu'on nous dit. En Iran et en Thaïlande. Ensuite, tiens, ça c'est bizarre. En 1982, 5 hommes sont entrés dans un petit restaurant dans le Long Island à New York et ont forcé au-dessus de 100 personnes, donc des clients et l'équipe qui travaillait là, le staff, si on veut, d'avoir des relations ensemble. C'était le vendredi de la fête semaine du Memorial Day. En 1982, 5 jeunes hommes de Brooklyn ont volé une Cadillac dans un garage. Et puis, ils ont envahi Thomas et Janet Riley. Ça, c'est leur maison. Les violents, les battants, les volants, urinant sur les invités. Et ils ont donc c'était leur fils de 20 ans qui organisait une petite fête. Puis, ben eux autres, ils ont décidé que c'était du party bashing. Ouais. le lendemain matin, les 5 hommes sont entrés dans un diner, donc un petit restaurant de Long Island, et ont forcé les 100 personnes là-bas à avoir des relations ensemble. Ils ont aussi tiré sur deux hommes. Ils ont violé une serveuse et ont volé les autres gens qui étaient là-bas. Donc, on dit qu'un des criminels est présentement sorti de prison. Eh bien, on dirait un scénario à la Orange Mécanique. Ah! Ça se peut, j'ai pas vu, mais c'est étrange. Oui, ben c'est ça, c'est étrange. L'État de Washington n'a pas banni les relations sexuelles avec les animaux avant 2005. OK. Très récent. Donc, en date de 2014, avoir des relations avec des animaux, c'est illégal dans 37 États américains. La plupart des lois anti-zoosexuelles ont été créées récemment. Jusqu'en 2005, il y avait une ferme près de Enumclaw à Washington qui était décrite comme un bordel pour animaux, un brothel, un bordel, où les gens payaient pour avoir des relations avec les animaux. Après un incident, le 2 juillet 2005, un homme a été prononcé mort à la salle d'urgence de l'hôpital communautaire de Enumclaw quand le cheval qui l'a pénétré, a défoncé les intérieurs de son corps. Et donc, la ferme, le bordel pour animaux, a, disons, attiré un petit peu l'attention. Et la loi dans l'État de Washington, c'était un des seuls États aux États-Unis sans avoir de loi contre la bestialité. Et puis, à l'intérieur de 6 mois après cet accident-là, évidemment, ils ont passé une loi pour rendre ça illégal. Ouais, chacun ses goûts, comme on dit. Dans la ferme pour animaux. Ia, ia, oh! Il y a un gars qui est mort. Ouais, c'est ça. Ia, ia, oh! Avec un étalon sur le dos. Le cerveau a une fonction de maintenance automatique pour l'engin masculin. OK. Donc, de maintenance. Tu sais que tu dois avoir des érections fréquemment et régulièrement, en fait, pour pouvoir garder ton engin en forme. Et les muscles de l'engin sont périodiquement enrichis par l'oxygène. Donc, dans le fond, par le sang qui s'en va là quand le pénis est en érection. Bref, si un gars est capable, oui, d'avoir une érection pendant la journée, OK, quand il est incapable, OK, pas besoin de s'en faire parce que le cerveau a une fonction automatique à l'intérieur, donc c'est vraiment comme programmé dans le cerveau. Et ça fait que ça cause une érection pendant la phase de sommeil. On dort, c'est là qu'on a des érections pour pouvoir faire le ménage, si on veut. Au lieu du mode veille, c'est le mode érection. C'est ça. Pour avoir un petit peu d'oxygène. Energy saver. Et voilà, Energy star. Attends, mon Java vient de se mettre à jour. les huîtres peuvent changer de sexe jusqu'à 4 fois par année. Qui? Les huîtres. Ah, wow! Pas les joueurs de la huître. Non. La Ligue des pros liquidaires. Non, non, non, non. Donc, les attributs physiques d'une huître sont quand même assez complexes. Ils sont capables d'être les deux sexes, mais pas en même temps. Les huîtres sont ce qu'on appelle les pretentious hermaphrodites, donc des hermaphrodites prétentieuses, si on veut. voulant dire qu'ils commencent la vie sous le sexe mâle et ensuite vont changer pour devenir femelle. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, les hermaphrodites. Je trouve ça très drôle. Oui, on pourrait faire une émission de radio qui s'appellerait comme ça. Après les précieuses ridicules, soyez là pour les hermaphrodites prétentieuses. J'ai hâte de le retenir. Whip! J'ai chaud. Bref, les huîtres se rendent à la puberté et sont capables de se reproduire pendant. Gagnent l'habilité de se reproduire après environ 1 an. Et après ce point-là, la plupart deviennent mâles, mais ils commencent à. Ça devient femelle, des fois ça devient mâle. C'est un petit peu. Ça disait complexe au début de l'article, je pensais pas que ça allait être aussi complexe dans ma bouche. À la troisième année, environ 90% sont devenus femelles, même si d'autres espèces d'huîtres peuvent changer de l'un à l'autre, revenir de mâle à femelle. Il y en a qui peuvent pas revenir en arrière. Okay. Voilà. C'est un système complexe, bref. C'est complexe, puis c'est pas nécessairement tout à fait véridique ce que je viens de dire là, mais c'est dans le big picture, on l'appelle. En général, c'est vrai. Okay? En Afghanistan maintenant, on s'en va en Afghanistan, où il y a des relations entre les jeunes garçons et les hommes adultes. C'est une pratique qui est chez les gens riches en Afghanistan. Ils exploitent les garçons, les mineurs, comme partenaires sexuels qu'on déguise en femmes. Comme ça, on les fait danser à des rassemblements, des petites fêtes, Les fiestas, comme on dit. Donc, c'est en Afghanistan post-taliban. Donc, c'est ça, il y a des parties avec seulement des hommes. Les jeunes garçons sont déguisés en femmes et doivent danser pour les adultes, avoir des relations sexuelles avec eux. Et ces garçons-là sont invisibles pour le reste du monde parce que c'est un sujet dont les gens ne parlent pas. C'est un petit peu tabou. Mais quand même. Eh ben, voilà. Ensuite, un homme qui a coupé l'engin masculin de son garçon et l'a flushé dans la toilette. Comme un poisson mort. Comme un poisson mort sur le dos. Je sais pas si c'était sur le dos. Ben. Sûrement le fils était sur le dos. Oui. Donc, on n'en rit pas, évidemment. Un père a donc coupé l'engin de son garçon de 8 ans. Il a passé par la chasse de la toilette parce que le garçon était en retard de l'école. Les policiers, les pompiers et les employés de la ville ont cherché dans le système des égouts pendant 90 minutes pour retrouver l'engin en utilisant de la haute pression, donc de l'eau, pour pousser l'engin dans un truc de filet. Qui était à 180 mètres de la maison de la famille. Donc, en poussant avec l'eau. Ils l'ont retrouvé en mettant un filet pour que ça laisse passer les autres déchets. Ils ont gagné un toutou. Ah, c'est tellement un bon jeu. à la foire locale. Mais oui. Ça a foiré. Ouais. Donc, l'engin a été rattaché au garçon dans une opération qui a duré 3 heures. Et puis, le chef de l'équipe chirurgicale, Dr. Howard Friedman, a dit que le garçon était en bonne condition à ce moment-là, mais que ça allait prendre au moins une semaine avant de savoir si c'était un succès. Ça a finalement été un succès. Le père a été gardé en prison à Los Angeles, accusé de plein de choses. Mais ce que ça dit pas, c'est ce qui a été gardé très, très longtemps. Mais je crois que c'est... C'est fini, la prison pour lui. Oh, okay. J'espère qu'il se fait enlever son enfant. Oui, puis tu sais, au pire, l'arroseur arrosé, là, il aurait pu lui chop-chop lui aussi. Là, oui, c'est comme ça que ça marche. Ça marche là, oui, c'est sûr. Si le système de justice fonctionnait comme ça. Et quand... une femme a donné à son mari le meilleur cadeau de fête de tous les temps, ou encore le pire, dépendant de comment vous analysez ça exactement. Mm-hmm. C'est Carla Muller, qui lisait dans sa Bible. La portion Galatians 5.22-23. Bref, dans son groupe d'études de la Bible, tu sais, aux États-Unis, c'est bien populaire d'étudier la Bible. Elle a décidé qu'elle allait donner un cadeau assez original à son mari Brad pour ses 40 ans. Elle allait lui donner le cadeau du sexe pendant 365 jours d'affilée. Donc, dans Galatians 5.22-23, ça dit, et je cite... But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Donc, le fruit de l'esprit. Et l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la fidélité, la douceur et le contrôle de soi-même. Donc, selon Carla, elle a analysé ça. C'est pas nécessairement ce qu'ils lui ont dit dans son cours d'études de Bible. Mais elle a réalisé qu'elle devait donner quelque chose à son mari pour que leur relation porte ses fruits, si on veut. Donc, ils sont mariés depuis 8 ans et elle voulait reconnecter avec son mari. Je fais un symbole de doigts qui se mettent ensemble. C'est pas mal ça que ça a donné 365 fois dans l'année. Wow! Cadeau qui n'oubliera jamais. Mais est-ce qu'après ça, c'était fini? Après les 365 jours, plus jamais! Ben, c'est ça. J'ai mal à la tête tous les jours. J'aurais peur de ça. Moi, j'avoue que ça doit faire des rougeurs ou des gales. Non, c'est pas vrai. Des cloches d'eau. Je suis brûlé. Je te donne le cadeau d'avoir... Ouais. Ah. Ouais. Bref, c'est bien sympathique comme cadeau. Bonne fête! Ouais. Je sais pas si ça lui chante bonne fête aussi. Pendant, à chaque fois. Il y a des parties en Colombie où c'est normal pour les jeunes garçons d'avoir des relations avec des ânes. Quand on parle de relations entre jeunes garçons et adultes hommes en Afghanistan. En Colombie. Non. C'est une sorte de fromage aussi, je oui. pense, le Colombie. donc, plusieurs Colombiens dans des endroits ruraux, donc si on veut campagnards, tels que Santa Marta. Hein? C'est une pratique très commune dans le nord du pays pour les jeunes adolescents d'avoir des relations avec les ânes. C'est pas juste une petite affaire, le genre que tu fais une fois, comme un genre de rite of passage, là, que tu dois prouver que t'es rendu un adulte, comme on a dans plusieurs traditions. Non, c'est pas ça, c'est plus un substitut pour la masturbation. OK. Ouais, donc les jeunes garçons, dans le fond, on s'attend à ce qu'ils fassent ça. C'est leur père qui leur dit ça, rendu à un certain âge, qu'ils devraient pas avoir de relation avec leur chien parce que ils pourraient attraper des maladies. Donc, mais arrête de faire ça. C'est correct. L'âne, c'est correct. Donc, pas les chiens, pas les poulets, parce que les poulets pourraient mourir. Donc, c'est vraiment les ânes, eux autres, ça va bien. C'est fait pour ça. Ça sert à ça. Ils aiment ça. Ouais. Tu sais? Hi-ha. Hi-ha. Hi-ha. Hi-ha. un des objets sexuels les plus bizarres que vous allez voir dans votre vie, c'est le heel-do. H-E-E-L-D-O. Donc, heel, tu connais le talon, comme un talon d'Achille, l'Achilles heel. Donc, c'est le premier, et là, utilisons un terme classique, là, mais un dildo. OK. Qui s'attache directement sur le talon, d'accord, et qui vous permet de faire des choses les mains libres. C'est, tu peux mettre n'importe quel dildo après ça, puis ça tient après ton... tu pourrais le faire avec d'autres choses pour les couples gays. Tu préfères. Donc, il y a plein de détails comme ça. Ça s'appelle le heel-do. Tu peux t'asseoir, te mettre un petit bonhomme et rebondir comme tu veux. On laisse tu faire les détails. Bref, il n'y a pas de discrimination. C'est pour hommes, c'est pour femmes. Ça peut stimuler la prostate, les orgasmes intenses et tout ça. Pire d'eau. Ça existe. Je ne sais pas comment réagir à ça, Mathieu. Je ne sais pas comment le lire. Mais... voilà. Ensuite, remontons un petit peu, même pas tant que ça, le grade. Parce que là, si on parle de talons, quelqu'un qui n'a pas de talons, c'est un amputé. Oui. Et certains amputés ont des plaisirs, ont du plaisir sexuel. Ils ressentent le plaisir dans leurs membres manquants. OK. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle phantom pain sensations. On a déjà entendu parler de phantom pain ou phantom feeling quand un amputé... T'as l'impression que t'as encore ta main. C'est ouais. Ça. Mais imagine du plaisir sexuel dans ces endroits-là alors que t'es pas en train de les stimuler parce que Colin t'es pas. Ben oui. Donc, le Phantom Pain Sensation, ça nous dit ici que c'est ça, c'est suivant ce qu'on appelle une avulsion des nerfs, et là, je crois que c'est le mot, ou encore une blessure à la colonne vertébrale. La sensation est surtout reliée à l'amputation d'un bras ou d'une jambe, mais ça peut aussi être quand tu as eu un cancer du sein, tu te fais enlever un sein, ou sinon d'autres organes internes. C'est quand même intéressant de voir que ça peut être aussi à l'intérieur du corps. Certains amputés qui ont des membres fantômes, comme on dit, ont du plaisir sexuel, même des orgasmes, à partir de l'endroit qu'ils ont plus. Ah ben! Ça, j'imagine qu'il faut déjà l'avoir eu, parce que si tu l'as jamais eu, tu ouais, peux pas savoir comment on se sent avec ça. J'imagine. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a un restaurant maintenant à Tokyo. On peut avoir des relations sexuelles avec sa nourriture pendant qu'elle est toujours vivante. Nouveau restaurant à Tokyo qui va vous permettre de vraiment faire ce que vous voulez avec votre nourriture avant de la tuer, avant de la cuire, de faire chauffer. Et ça va être servi après ça, post-coïtalement parlant. Donc, l'expérience est seulement pour les gens très, très, très, très, très riches. C'est dans le Tokyo's Roppongi District. Et ça peut aller jusqu'à 7 000 $ pour l'expérience complète. Les clients doivent avoir un salaire annuel de 175 000 $ pour même pouvoir regarder le menu du restaurant. Mon Dieu. Hé, hey, Colin. Montre-moi ton compte en banque. Ouais, c'est... je vais te prendre... un homard. Un homard. Tu vises vraiment en bas, je te connaissais pas de même. Ben non, mais là, j'aurais pu te dire, genre, je vais te prendre un bœuf. Hein. Un bœuf. Un bœuf. Moi, je trouve qu'on devrait commencer l'expression, genre, ça, c'est très, très bœuf. Hein. C'est très bœuf. Vraiment bœuf, là. Je trouve pas ça très bon, bœuf. Hein. Oui. C'est bœuf. Ensuite, un homme au Nigeria, est-ce qu'on dit Nigeria, je crois? Nigeria. Donc, qui est mort après avoir eu trop de relations sexuelles. C'est un homme d'affaires riche, qui était marié avec 6 femmes, c'est bien ça, exactement, qui est mort après avoir été forcé à faire une session de sexe marathonienne avec ses femmes jalouses. C'est Uroko Onoja qui avait des relations avec la plus jeune de ses épouses quand les 5 autres, on lui ont demandé, dans le fond, ils lui ont sauté dessus avec des couteaux et des bâtons, leur demandant d'avoir aussi des relations avec les 5 autres. Il était jaloux. C'est incroyable. Donc, M. Onoja a eu des relations avec 4 de ses femmes en succession, une après l'autre, mais a arrêté de respirer alors que la cinquième était en train de s'approcher du lit à Ogbadibo, selon le Daily Post du Nigérian. Fait qu'il y en a 2 qui n'ont jamais eu ce qu'ils voulaient. C'est ça. C'est triste. L'offre et la demande. Okay. Il y avait trop de demandes. La semaine passée, j'ai sorti l'offre et la demande par rapport à un jeu de mots de l'offre. Là, j'en ai comme pas avec celle-là. Ouais. Il y en a pas. Non. C'est ça. En tout cas. Ouais, mais je mais tu sais, si j'en avais un, c'est le cerveau qui bouille, là. Ouais, t'es en spin, mode spin. Trojan, la compagnie de condom Trojan, paye les gens pour essayer leur nouveau produit. Ça veut dire ça, 70,5% des condoms qui sont achetés aux États-Unis dans les pharmacies sont de marque Trojan. Et Trojan produit 30 différentes variétés de condoms. Une fois que Trojan a testé les condoms pour la sécurité, donc leur niveau de sécurité, ils vont dans ce qu'on appelle un bedroom panel, donc littéralement un panel de chambres à coucher. De 20 à 30 couples qui travaillent souvent avec la compagnie, donc c'est tout le temps les mêmes, c'est des réguliers si on veut, et ils disent que dans le fond ils remplissent un petit formulaire, ils doivent avoir des relations sexuelles un certain nombre de fois par mois et rapporter les résultats sur les nouveaux produits. Donc ils se font payer par Trojan pour avoir des relations, et aussi ils reçoivent évidemment des produits gratuitement. Ben oui, évidemment. Et vu que c'est un couple commis et sans aucune j'imagine qu'ils font des tests au cas où que ce soit pas genre super efficace. Mais ça passe les tests de sécurité en premier avant de se rendre au panel. Je pense que ça doit être un test de plaisir ou un test de sensation. De sensation. les travailleurs, on va en faire un dernier, il va falloir arrêter à un moment donné. Les travailleurs du sexe et les entertainers dans le monde de la pornographie ont un syndicat. OK? Ouais. Donc, c'est ça, être prostitué, c'est parfaitement légal dans certains pays dans le monde. C'est pour ça qu'un syndicat international des travailleurs du sexe, c'est extrêmement important pour eux. Et pour les entertainers, les travailleurs de la porno, ils ont aussi besoin d'un syndicat. Et le syndicat qui leur fournit des vérifications de chez le médecin, donc il y a des petits check-ups si on veut une fois par année, s'assurer que tout fonctionne bien entre gens et s'ils sont sans maladie aussi. Et le syndicat s'assure que les travailleurs puissent trouver des conseils médicaux, donc un médecin s'ils en ont besoin. Et le syndicat aide aussi les gens qui sont handicapés à trouver des travailleurs du sexe qui seraient appropriés pour eux. Donc, si mettons t'as un problème physique, mais tu trouves quelqu'un qui peut te faire plaisir quand même. J'ai bien hâte qu'ils fassent la grève. La grève, ouais. les gens vont être frustrés. Ben oui. Là, tu vas voir ceux qui... Voilà pour King Sexy Time. Oui. Ouais. Cool. Au retour, il nous reste encore son foutu palmarès. Ouais, je pense qu'on va faire ça au retour. Mais avant ça, ceci. Oh. Ouh. Oh. C'est fou dans vos oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous revoilà, Assemblage requis, avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Vous revoilà! Vous revoilà! Ah, je ne vous avais pas vu! Ah, il nous reste encore une vingtaine de l'émission. Une vingtaine de l'émission. Analysons ce que ça veut dire. Une vingtaine de l'émission. Une vingtaine, on est dans la vingtaine. Oui. Non, en fait. Je suis rendu dans la trentaine. Et merde. Encore en train de me traiter de vieux, toi. Peut-être, subtilement. En tout cas. Donc, une vingtaine de minutes nous reste à cette portion de l'émission. Et donc, on va continuer avec les deux dernières chroniques que je vous avais prévues. Puis, je pense que ça va aller assez rapidement. Donc, un petit son foutu palmarès. Allons-y. C'est son foutu palmarès. Oui, Mathieu. T'es content, hein? Ah oui, j'aime ça. Est-ce que t'as vu ce que c'était? Ben, je suis en train peut-être de regarder un petit peu. J'espère te surprendre un petit peu quand même, parce qu'on va écouter un petit peu de musique, un peu comme hier. Hier, c'était dans une autre... C'était un fait. On a écouté 25 versions différentes de la chanson du film Frozen de Disney. Oui. On avait trouvé ça le fun, original, c'était cool. Donc, je me suis dit, même chose aujourd'hui, on va faire le top 3, selon mentalfloss.com, des succès de la pop... mais en allemand. Parce que vous savez, l'anglais a pas toujours été genre la langue la plus connue dans le monde, là, tu sais. Genre, c'est pas tout le monde qui parlait anglais. Dans les années 60, si un groupe avait un succès radiophonique, il retournait au studio pour réenregistrer d'autres versions pour le marché européen. Donc, les artistes prenaient quelques minutes pour se familiariser avec une transcription phonétique. Par exemple, de l'allemand, de l'italien, français, espagnol. Et ensuite, ils écrivaient, ils chantaient ça. Pendant peut-être une prise ou deux, genre. Vraiment, okay. La première ou la deuxième prise était utilisée après ça. Et là, il y a une compilation qui s'appelle Motown Around the World qui compile ces chansons-là. Donc, c'est ça. Ben, c'est quand même des gens de talent qui chantaient les chansons d'origine. Et ils se forcent quand même pas mal pour chanter une version en d'autres langues. Donc, ils s'approprient quand même la chanson. Ce qu'on va l'entendre pour commencer, c'est un classique. Évidemment, c'est pas très, très, c'est fou, mais on s'en va entendre Marvin Gaye avec « Wie schön das ist, how sweet it is ». Oups, excuse-moi. C'est ma faute. Mais c'est le dernier refrain. Bon, basista. Baby, miss. C'est Marvin Gaye. Vichon d'assiste. How sweet it is. Traduction, how beautiful it is that you're with me. C'est tellement merveilleux que tu sois avec moi. Oh, je le sais, Mathieu. Ben, Colin, ça fait plaisir de le dire. On saute à la dernière de la liste en bas complètement, c'est les Supremes. Ah, avec oui, Who is... Ouais, tu vas voir pourquoi. Avec Who is it unsere Liebe? Where did our love go? Oh, ben là, Mathieu, tu me fais peur. Ça sonne vraiment pareil. Oui. Baby, où est notre amour? Oh, baby, viens, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. C'est correct, Mathieu, je vais continuer à animer avec okay, toi. OK, OK. Deux jours semaine. Donc, c'est The Supremes. Et la raison que je l'ai terminé avec le deuxième de notre liste ici, c'est que c'est les Temptations. Ah, voilà. Ben oui, Mine Girl. Mine. Mine. En allemand, Mine Girl. C'est When It Rains, I See Sunshine. Quand il pleut, je vois le soleil. Sais-tu qu'on se quitte de Temptations? Mine Girl. Boum, boum, boum. Temptations et Mine Girl, version allemande de My Girl. Mais tu peux entendre plein de choses hein, quand tu écoutes ce genre de choses. Est-ce que tu veux que je la reparte au début, voir? Oui, okay. Juste, vas-y. Je pense que tu as eu des petites hallucinations ici. Ben, on va sortir Normand Bratois et t'as de la petite cage encore. Oui, c'est ça. Et check-moi quand ça commence. 5, 6, 7 et 8. Pom, pom, pom. Ah! OK. J'entends voilà. Le pénis de, dont tu parlais tantôt. Ouais. Mais ça, ça a commencé comme ça, là, en rentrant dans le poste. C'est de l'allemand. Oui. Donc voilà, The Temptations, c'était ce qui faisait le tour des chansons de Motown chantées en allemand dans les années 60. C'était bien, bien à la mode de faire ça. C'est pas mal meilleur, je trouve, que les versions québécoises traduites un peu n'importe comment qu'on a fait au Québec. Là, vous connaissez tous les classiques des, de tous les groupes faits par les classels, gens qui ont pris des Ma classiques. Fille. Ma fille. Voilà, mes classique. Filles. Pa, pa, pa, tu me tentes, ma fille. C'est tout pour son foutu palmarès. C'était court. Hein? Oh. C'était bref. Bon. On a eu du fun. Ben, on a eu du fun. Et maintenant, on va continuer avec C'est un fait. D'accord. On siffle. My girl. Oh, clap, clap. Snap, snap. Comme ça. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Encore une fois, une édition spéciale de C'est un fait. On va faire aujourd'hui une vingtaine de faits sur les films des années 90 qui vont faire exploser la cervelle. OK. Pas nécessairement tous aussi explosifs que les uns et les autres. Là. Mais donc, c'est un petit palmarès. Évidemment, très, très BuzzFeed. Là. Ça paraît, mais quand même, je trouvais ça drôle. C'est des faits que je n'avais pas, moi, lus à l'avance. Donc, je trouvais ça cool. Là. OK. Quand je les ai comme... C'était des choses que je ne savais pas. Par exemple, dans le film She's All That, elle a tout pour elle, genre. C'était filmé dans la même école secondaire que Buffy contre les vampires. OK. Intéressant, je sais pas. Le titre 10 choses que je déteste chez toi, le 10 Things I Hate About You, le film, était supposé être similaire à The Taming of the Shrew, qui est la version originale de la pièce de Shakespeare qui a inspiré l'histoire dans le film 10 choses que je déteste de toi. Okay. Donc, 10 Things I Hate About You, The Taming of the Shrew, ça sonne pareil. Ensuite, tiens, l'acteur Ryan Phillippe avait tellement de... Comment dire? Il se sentait tellement mal après avoir giflé. Après une scène de gifle avec Reese Witherspoon, il y a l'extrait sur assemblagerequis.com. Donc, il se sentait tellement mal qu'il a couru, il a quitté le plateau. Il est allé vomir pour vrai dans la vraie vie. Ben oui. Donc, Ryan Phillippe, un gars sensible... comme toutes les femmes aiment. Pour imiter l'érection dans une scène de American Pie, donc les membres de l'équipe du film ont fait cuire une saucisse. Ils l'ont mis sur un crayon de plomb, OK? Ils l'ont enveloppé dans du papier d'aluminium. Et c'était toujours chaud quand c'était placé entre les jambes de Jason Biggs pour faire la scène avec la tarte dans American Pie. Ah ouais. Ensuite, je sais pas si tu te rappelles d'un film qui s'appelle Drive Me Crazy avec Melissa Joan Hart, la fille qui jouait dans Sabrina l'apprentie sorcière. C'est une petite comédie romantique des années 90. Elijah Wood... de Lord of the Rings était supposé jouer dans ce film-là avec Melissa Joan Hart, mais les producteurs trouvaient qu'il avait l'air trop jeune. Ah, OK. Eh ben. Alicia Silverstone, dans une scène assez classique dans la version originale anglaise du film Clueless, les collégiennes de Beverly Hills, Alicia Silverstone ne savait vraiment pas comment prononcer le mot Haitians dans la scène où tout le monde est dans une classe. Les producteurs trouvaient ça drôle et que ça allait bien avec le personnage qui n'était pas capable de prononcer ce mot-là. Donc, ils l'ont laissé dans le film. C'est un peu gênant. Ah, ben c'est comme moi quand je lis une carte postale de Simon Fitzbé. Genre, ou n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Quand tu lis. Sur la grande affiche du film Varsity Blues... C'est comme un classique quand même du cinéma des années 90 pour adolescents. Tu vois un grand camion Ford bleu et blanc avec la gang assis dessus sur le camion. Ce camion-là n'apparaît pas dans le film. OK. Ils ont juste trouvé ça beau pour la couverture, mais ça n'a jamais apparu dans le marketing. Film. Et voilà. Tiens, ensuite, James Van Der Beek, Dawson, a été considéré pour le rôle de Luke dans le film The Skulls. Ah ben, ça, je savais pas ça. La tarte aux pommes dans le film American Pie a été achetée chez Costco. Donc, si vous voulez vous garnir... le film Never Been Kissed, ça c'était avec Drew Barrymore, Never Been Kissed. C'était le premier film qu'a fait James Franco. OK. Ouais. Justement, parlant de Drew Barrymore, pour qu'elle ait peur, qu'elle pleure pendant le film Scream, frisson, le réalisateur Wes Craven arrêtait pas de lui raconter de vraies histoires sur la cruauté envers les animaux. OK. C'est cute quand même, mais elle pleurait pour ça. C'est un petit peu moins épeurant qu'un appel téléphonique d'un fou pendant la frisson. Ensuite, la distribution de Dazed and Confused, un film quand même culte. Les membres de la distribution buvaient de la vraie bière pendant la plupart de leurs scènes pour faire plus réaliste. Okay. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Ensuite, le gars qui faisait des films d'horreur, si on veut, M. Night Shyamalan, celui qui a fait The Village et oui, un paquet d'autres. Oui. Apparemment que c'est lui qui a corrigé ou genre fait la dernière version, genre un petit peu de polissage, si on veut, du film She's All That dont on parlait tout à l'heure. Ah, ben. Il a tout pour elle. OK. Ouais. C'est donc. Ouais. Ensuite, ça dit pas dans quel film. Et moi, les films de Leonardo DiCaprio, je te dirais que je connais pas tant que ça. Mais ça nous dit que les cheveux de Claire Danes dans le film dans lequel elle jouait avec Leonardo DiCaprio, c'est une perruque. Ah, OK. D'accord. Bon. Ensuite, je vais sauter les faits sur des films que je connais pas, ça vous dérange pas trop. Louise Duncan, l'auteur du livre I Know What You Did Last Summer, souviens-toi l'été dernier, a déclaré ouvertement qu'elle déteste le film, basé sur son livre. Okay. Bon, okay. Ben, ça arrive souvent, hein? Oui, parce qu'un film, c'est tellement adapté pour le cinéma. Ouais, c'est fait pour le cinéma, là, versus le livre. Il y a une scène dans le film Election avec Matthew Broderick. Il y a une scène où il fait pipi sur un arbre dans la cour de Linda, le personnage en Election, et Matthew Broderick faisait vraiment pipi pour lui. Bon, l'acteur, tu vois, un vrai acteur. Ouais. Acting. C'est bon, j'ai envie de pipi. On tourne la scène du pipi. ça, c'est vraiment anodin et complètement inutile. Et ça fait très, très BuzzFeed. On s'en sacre. Mais c'est drôle pareil. Dans le film Idle Hands, quand le personnage de Anton a peur et cherche dans sa maison, cherche quelque chose dans sa maison, il pousse son chien dans le corridor. Et pendant cette scène-là, le chien a une érection. C'est vraiment de la pertinence, tu sais. Vraiment, j'aime vraiment ça. Dans le film Jawbreaker, Marilyn Manson a un caméo, une petite apparition surprise, parce qu'il était fiancé de Rose McGowan, qui est la vedette du film. OK. Mm-hmm. Dans le film, tu sais, le film en noir et blanc, c'est Pleasantville. Oui. Très drôle, très le fun. Très, très bon film, oui. Le concept est génial. Melissa Joan Hart, dont on a parlé tantôt, Sabrina l'apprentie sorcière, était refusée le rôle de Jennifer, qui est la fille principale ce film-là. Et ben, ça aurait été pas mal différent. Oui, quand même. Et voilà, c'est tout pour ce que je trouve semi-pertinent dans cet article-là. C'est le genre de chronique que j'aime pas faire parce que je trouve ça un petit peu impertinent, mais quand même, on s'amuse. Bah oui, c'est fun. Toi, Mathieu? Oui, j'en fais. Aujourd'hui, là, ma voix est terrible. Quand est-ce que ta voix va bien, toi? Ben, ça allait bien, mais de ce temps-ci, ça... Non, ça va pas du tout. Pas du petit thé au miel? Non. Citron. Plein de rhum avec du miel. C'est ça. Puis du lait, mais ça marche pas, y a rien qui marche. Est-ce que t'es un fan, je me souviens plus de comment ça s'appelle, c'est pas des pléonasmes, mais tu sais, dans des films, quand il y a des choses, tu sais, mettons, ils tournent une scène, puis ils vont tourner, bon, l'autre scène le jour d'après, fait qu'il y a des petites erreurs. Je capote, il y a des sites pour ça me fait triper. Moi aussi, j'aime bien ça. Je me souviens, j'avais commencé à les regarder pour La Matrice, parce qu'ils sont intéressants, il y a peu d'erreurs, mais il y en a quand même quelques-unes, vraiment des détails, là. Oui. Tu sais, c'est pas juste genre, ah, ses cheveux t'as par en avant, puis l'autre scène, ils sont par en arrière. Ça, on sentait qu'il a pu les avoir tassés hors caméra, tu sais, c'est crédible. Ouais. Mais il y a des choses qui sont juste pas possibles. Oui, mais fun. Comme à un moment donné, écoute, il y en a une qui m'a marqué dans La Matrice 1. Tu l'as vu? Oui. Écoute, c'est quand même un vieux film. Tu sais, quand Neo, Keanu Reeves, il essaie de s'enfuir de son bureau. Parce qu'il y a des agents Smith là, qui courent après, mais c'est au début genre de la Matrice. Puis il essaie de s'enfuir par la fenêtre. De son bureau. Okay. Est-ce que ça te rappelle un petit quelque chose? Malheureusement, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ben, en tout cas, il essaie de s'enfuir par la fenêtre. Finalement, il va se faire prendre par les agents. Mais la première fois qu'il est contre la vitre, il regarde en bas. Puis là, après ça, je pense qu'il y a comme un coup de vent. Puis il va comme tomber. Puis il regarde encore en bas. Puis là, il y a une parade dans la rue. Ah! Il y a comme une fête, genre. Le timing vraiment raté. Oui, ben tu sais, c'est ça. Ils ont juste retourné la scène probablement une heure après. Mais il y avait genre une petite fanfare, là. Et l'argent qui est passé sur chaque image, chaque frame. Ben oui, mais là, c'est ça. Là, c'est vraiment, tu le vois, c'est tout petit au loin. Mais là, quand tu prends le temps de le regarder, c'est très drôle. C'est fantastique. D'ailleurs, deux petites ressources pour les gens qui aiment les erreurs dans les films. IMDb, c'est immanquable. Tu tapes un film, tu vas dans Goofs, puis il y en a des centaines. Et moviemistakes.com. Exactement. Vraiment le fun, ce site-là. Voilà. Cool. Yes! Il y a des gens qui regardent ça, là, image par image, pour voir ces erreurs-là. Il faut vraiment avoir du temps à perdre. Oui. Mais en même temps, ça donne du plaisir à ceux qui essaient et que c'est intéressant. Oui, puis que t'as pas de temps à perdre, fait que tu vas juste directement au fait accompli. Exact. Voilà. On s'écoute une petite chanson de Jimmy Hunt avant de se quitter dans quelques instants. Ça va être la fin de l'assemblage requis. Donc, on va écouter l'extrait du palmarès en ce moment. C'est « Rêver souvent, moi que je me trompe ». Rêver souvent de Jimmy Hunt. Ça. On écoute ça, on revient après ça pour se dire au revoir. D'accord. À l'assemblage requis. Jimmy Hunt avec Rémi Souvent. Ouais! Oui, monsieur. Et nous, on rêve souvent de se revoir demain. Oui. Parce que c'est tout pour cette édition de l'Assemblage requis. On remercie Alexandra Carignan. Oui, Jean-Samuel Gay. Mm-hmm. Tous les deux, ils étaient là en début d'émission. Et nous, le reste, donc, merci à toi, Jean-Philippe Charbonneau. Merci à toi, Mathieu. Mm-hmm. Demain, l'émission Assemblage requis, qu'est-ce qu'on a? Alexandrine Pichessir qui va chercher encore la crème de la crème à Trois-Rivières, comme elle le fait très, très bien. Je pense qu'on va peut-être copier encore Dany. Ah oui, avec le. Oui, oui. Ben, tu sais, on fait déjà la bouffe de la semaine, le jeudi, qui copie la bière de la semaine. On a un autre petit quelque chose de la semaine qui va ressembler un peu trop. Oh! Cindy Gilbert va nous faire bouger dans sa chronique Activer votre santé. Et Stéphanie Paradis va survoler avec nous le plus récent numéro de Journal sur le Campus. C'est demain à Assemblage requis entre 6h30 et 9h30, en direct à 7h30. Restez sur nos ondes, on est mardi. Plus tard, il y aura le dîner de con à 11h. Ensuite, Rock Classique avec Alain Lefebvre à 13h. 17h, le voyage insolite, 18h. La dernière de la vie en mauve. Oui. Malheureusement, déjà, après quoi, un an et demi, peut-être moins même? Un an. Un an environ. Donc, exception culturelle, c'est terminé. Elles vous diront pourquoi ce soir, à 18h. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, ce sera les Malhonnêtes, l'émission d'affaires publiques. C'est fou.ca. Pour la programmation complète, oui, dis-je bien. Et maintenant, aussi nos entrevues. Oui, c'est vrai, sur notre page, sur cif.ca, un petit bouton entrevue d'artiste, ça vous mène vers notre page SoundCloud avec des artistes, même en archive jusqu'en genre 2003. Incroyable. C'est ça le fun, si on peut les remettre en ordre pour que les plus récents soient en haut, mais on peut pas. Ah non? À voir si. Hein, on essaiera quelque chose. Ouais, on en mettra d'autres des nouvelles. Hein, ouais, ils vont aller en haut. Donc, cif.ca, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et balado diffusion. Bonne fin de journée, bon restant de la semaine. JP, et toi, c'est lundi, mardi seulement. Donc, exact. Demain, ce sera Stéphanie Paradis pour le reste de la semaine. Nous, on se revoit lundi. Ouais! Au revoir! Au revoir!